écoutez Une fille, un podcast, et ça va être notre épisode 2 d'un nouveau hors-série. Alors avant de vous laisser entendre cette conversation avec mon invité, je voulais discuter un petit peu avec vous seul à seul. Je vais vous avertir que vous allez devoir me supporter cet été, j'en ai bien peur. Et que si tout se passe comme promis, je vais avoir... j'en dis pas plus, vous m'entendrez sûrement. Donc voilà, on va se concentrer sur aujourd'hui. Alors, mon hors-série. Eh bien, figurez-vous que j'ai commencé à le monter et, il y a quelque chose qui me convenait pas. Enfin, je sais pas, un truc... ça sonnait faux. Alors, faut savoir que quand je commence le montage audio, je commence par la fin. Et je remonte, et j'en étais à l'intro, donc le podcast était quasiment monté. Et quelque chose me faisait dire, c'est mauvais, je suis mauvaise, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ça va pas, je suis pas dedans. Mais est-ce que ça va s'entendre? Ouais, si, ça s'entend, quoi. Franchement, ça s'entend. Et puis, y a quelqu'un qui est un proche qui me dit tout le temps, si t'as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Donc, effectivement, si je doutais de ça, c'est que ça n'allait pas, quoi. Donc, je vais vous refaire l'intro, là, seule. Et puis, vous entendrez mon invité après. Mais je vais bien l'amener, hein, vous inquiétez pas, ça va passer tout seul. C'est parti pour l'intro de mon deuxième hors-série. Toute seule. Non, voilà. Allez, j'y vais. Aujourd'hui, j'ai comme invité Kenton. Et il m'a fait le plaisir de venir. Et j'en suis très contente et je le remercie. Voilà. J'ai voulu commencer par le présenter. Et ça donnait ça. Je vous laisse écouter. Voilà. Et merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Non, mais je t'en prie. Merci de m'avoir invité surtout. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, à moi de même. Donc on y va. Je vais commencer par le début. Hein. Vous écoutez Une fille, un podcast, et c'est le hors-série numéro 2 avec comme invité Kenton. Salut. Bonsoir. Alors, peut-être qu'avant de commencer à discuter podcast et je ne sais pas encore de quoi d'autre, je vais te présenter, ou tu veux te présenter peut-être. Ah bah si tu veux me présenter, c'est encore plus justif, j'ai envie de dire. Carrément. Comment je te présenterais? Je dirais que... Ah ouais, tout ça, la vache. Ouais. Ça fait beaucoup, dis donc, je suis pas prêt à entendre tout ça. Je suis tout rouge de ces compliments. Ah, c'est impressionnant, hein? Carrément. Donc, toi, Kenton, on te retrouve sur... Voilà, vous avez entendu. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là? Comme une espèce de liste de choses à dire qui se barre automatiquement en disant non, je vais pas dire ça, ok, ou si on effaçait tout d'un coup, et je perds le fil parce que je suis en train de penser à autre chose qui n'est pas Salas. Non, rassurez-vous, pas du tout, mais du coup je perds le fil, quoi, et je dis de la merde. Bravo, Kenton, tu m'as déconcentré avec tes conneries. Et du coup, je bafouille, je me trompe et je me rends compte que pendant que je parle, je suis nulle. Donc cette intro, elle était complètement pourrie et je la recommence à cause de toi. Et c'est pas grave. Alors, donc vous allez entendre Kenton que peut-être beaucoup de personnes connaissent ou pas. Donc je vais prendre le temps de le présenter. Alors vous attendez pas forcément à un hors-série qui ressemblerait à celui de la dernière fois, hein. De manière générale, je n'aime pas les habitudes. Les habitudes sont quelque chose qui empêche d'être créatif. Donc forcément, si je peux ne pas en avoir, je préfère. Surtout que finalement, ici, c'est un peu une plateforme où je n'ai pas de règles. Et pour une fois qu'on n'a pas de règles imposées, je vois pas pourquoi j'irais m'en rajouter, quoi. Donc voilà. D'accord. Donc, vous le retrouvez bien sûr sur Café Clatch avec William. Vous le retrouvez également sur Gamecraft avec toute son équipe, hein, donc ils sont 5. Et ils sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Je vous invite d'ailleurs à aller l'écouter, c'est en live le jeudi soir. Et il est aussi dans le Naps, un podcast qui présente des apps pour les iPhone et Android, voilà. Mais moi, je voulais vous présenter le Kenton avec qui je discute, pas le Kenton podcaster. C'est quelqu'un avec qui je peux parler de tout, je pense, mais curieusement, on n'a jamais trop parlé ni technique ni podcast. Technique, je suis sûre, jamais. Podcast, très très rarement. Donc voilà, bah, ça va être l'occasion, parce que là, vraiment, je n'ai pas la moindre idée, en fait, de ce qu'il écoute, et vous le découvrirez avec moi. Alors, j'ai laissé également des conversations plus personnelles, parce qu'on a vraiment essayé hein, de parler que de podcast, mais j'ai pas réussi. Et du coup, je pense que c'est important que vous compreniez le feeling qu'il y avait entre nous deux pour que la fin de cet épisode ait un sens. Donc on va y aller sans préliminaire. Je lance directement l'enregistrement qu'on a fait et vous le prendrez là où je ne suis plus en train de bafouiller et là où je suis concentrée pour l'écouter. Voilà, bonne écoute. Alors là, par contre, c'est difficile de rebondir sur ça. Je sais pas trop, j'ai pas trop quoi dire. Bah, parce qu'on parlait de podcast, peut-être qu'on rejoigne notre liste de podcasts. Ouais, voilà. Allez, je te dis le premier de la liste, ça te va? Oui. Tu me dis ce que t'en penses, mais je crois qu'il a déjà été cité dans l'épisode précédent. C'est Agence to Geeks. Oui. Voilà, et c'est exceptionnel. Donc, tu me le cites et tu veux que je te dise moi ce que j'en pense? Bah ouais, non. Pourquoi pas? Tu l'as pas écouté, c'est ça? Bah si. Ah non, mais je sais pas, c'est... peut-être que... Si. Moi, je les écoute. Et ouais, je l'ai déjà dit dans le précédent. Dans le précédent, ouais, avec Blast. Mais ça fait partie des tout premiers podcasts que j'ai écoutés et qui m'ont fait aimer ça, quoi. Moi, j'aimais bien le Quadratour qui était juste avant l'agence Soulix. J'aimais bien, c'était classe, ça. Alors, en fait, tout au début, quand j'ai commencé... quand je suis tombée par hasard sur les podcasts, je suis tombée sur eux. Il y avait en même temps l'agence Talkgeek, le Quadratour et l'apéro du Capitaine, tout, voilà. Ouais, j'ai tu m'étonnes, c'est un gros pack, quoi. Voilà, j'ai commencé par les trois là en premier. Je pense qu'il y a un avant et un après aussi. Hein. Comment ça? Ben, avant, tu te dis c'est quoi le podcast? Ouais, ça me fait chier d'écouter des gens que je connais pas, qui a pas de thème précis, ça change tout le temps. Et puis t'écoutes une fois, enfin moi l'ADC en tout cas c'était ça, j'ai écouté une ou deux fois et j'ai pas trop accroché, puis j'ai réessayé et puis en fait depuis j'ai adoré. Mais moi j'en avais jamais écouté avant. Donc j'ai pas d'avant et d'après, j'ai commencé directement par ceux-là. Ce que je voulais dire par là c'est que quand tu l'écoutes la première fois... C'est pas ça que je voulais dire, mais c'est pas grave. Non, c'est moi qui raconte n'importe quoi, faut pas chercher. C'est que... Ouais. Vas-y, raconte-moi ta première fois. Je suis très curieuse. Ah non, la première fois, c'était pas la DC. C'était une émission dont je me souviens pas le nom et ça me fait vachement pas plaisir, pour rester poli. Parce que... Ah non, on reste pas poli, c'est interdit ici. Ah bon, d'accord. Ouais, alors... Moi, je veux tous les gros mots et je veux tout en entier. Hein. Mais je suis pas quelqu'un de très propre... Donc, je parle au niveau vocabulaire, hein, pardon. Donc, je vais peut-être quand même contenir un peu. Ah, toi non plus, tu te laves pas. Ah, ça, c'est toi qui as dit, c'est pas moi. Moi, je n'ai jamais dit ça. On s'est bien trouvé, alors. C'est bien trouvé. Ouais. Pardon. Oh, mon Dieu. Victime de la pub, alors que... Enfin, bref. Alors que t'es le premier à dire, la télé, c'est le mal. La télé, c'est le mal. C'est le mal. Oui, exactement. Non, la première émission, c'est en podcast, je suis tombé par hasard dessus quand j'ai acheté un iPod. Puis c'est quoi le podcast? Tiens, je vais tester. Et je suis tombé sur un truc qui venait d'une chaîne de télé ou de radio qui était diffusée aussi en podcast. Et j'ai pas du tout aimé parce que les gens je trouvais qu'ils avaient un ego d'eux-mêmes qui était surdimensionné, mais vraiment vraiment surdimensionné. Et en plus, ils se coupaient tout le temps la parole. Dès qu'il y en a un qui expliquait quelque chose d'intéressant, on a un autre qui coupait pour faire une blague. Tu ressentais le... Attention, tu vas dire un truc intéressant, ferme ta gueule, quoi. C'est un peu ça, quoi. Donc, Frustration, quoi. Bah ouais, et du coup, j'ai arrêté et je suis tombé après sur le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech que j'ai beaucoup aimé au début. Un petit peu moins maintenant. Parce que je pense que ma liste s'est tellement complétée que... Bah, que le fait que ça sort une fois tous les deux semaines déjà, t'as déjà eu l'info ailleurs. Mais. Là, j'ai pas d'avis là-dessus. Hein. Tu l'écoutes pas? Non, je suis désolée. Non, bah, t'as pas à être désolée, je pense que j'écoute plein de choses que t'écoutes pas et inversement. Hein. Tu as déjà essayé une fois? Eh ben voilà, ce que je ferai, c'est que je le j'irai l'écouter pour pas. Bah écoute pour un pas ancien porter plutôt de jugement. Alors. Ouais, je dirais écoute plutôt un ancien. Donc ben ceux qui nous écoutent là et qui n'ont jamais écouté de d'épisode du Rendez-vous Tech, tu leur dirais aussi allez écouter des anciens. Ouais, je dirais plutôt ça, ouais. Mais peut-être que les récents sont bien aussi, en fait. Oui. C'est juste que... Bah, ce serait difficile à expliquer pourquoi les anciens sont mieux que... Mais... non, mais chacun a son avis après. Mais je trouve que les anciens étaient plus... Voilà. Monsieur Légris. C'est ça. En fait, j'avais vu sur ton profil Twitter un truc qui était écrit... Ah, dis-moi la phrase, parce que comme ça, de tête, j'en sais rien, mais il y a écrit quoi? Aigri, comment être aigri et travailler avec autrui? Ouais, voilà, ça m'avait fait beaucoup rire. Et je me suis dit, oh, mais... Enfin, c'est intriguant, quoi. Et puis, par contre, là, vraiment, je sais pas du tout comment on a discuté ensemble. Et moi, tu m'as montré ton perroquet juste après. Mais après, ce que tu m'as dit, je me souviens plus, quoi. Ouais, j'en sais rien. Mais ouais, voilà. Moi, je me souviens du perroquet, rose. Ouais, parce que c'est vrai que ça fait un peu bizarre de... C'est un peu genre coucou tu vois ma bite mais genre je te montre mon perroquet tu vois. Non mais tu sais c'est un peu le cliché tu sais du kikoulol quoi. Attends, je vais te montrer mon perroquet. Mais non, bah, déjà je l'ai pas dit comme ça, c'est assez sûr et certain. Mais non. Je sais pas, mais ça m'a fait beaucoup rire, ouais. Mais tu sais ça c'est voilà, il fait tellement partie de ma vie que je veux dire moi tu me l'enlèves, il reste plus rien de moi, tu vois. Je veux dire il est tellement intégré dans ma vie, tu m'enlèves ce bout-là, il reste plus rien. Je pense ouais, que tout bah, le reste. Ouais, non, bah... Tout ce qui n'est pas encore aigri en moi, c'est à lui que je dois. Tu vois, t'enlèves ça, il reste plus grand chose. Ouais. Quoi. Ouais, j'ai compris. C'est une relation avec un animal qui me, qui est fusionnel, tu peux le dire. Hein. Ouais. Donc que moi je connais pas, mais je peux le concevoir, quoi. Ouais. Enfin, t'as quand même été malin. T'as pris un animal qui est censé vivre longtemps. Oui, c'était pas fait exprès. Hein. Je t'ai déjà expliqué l'histoire. C'était pas non plus. C'était pas choisi, donc... Mais bon, voilà, quoi. Non, je... Ah, et donc, après, voilà, ouais, tu as piqué ma curiosité, en fait. Ça doit être ça, ton gros perroquet. Coucou, tu vois, mon gros perroquet. Eh bien, dis donc, quelle drôle de tactique d'approche. Bah oui, surtout que c'est toi qui es venu, alors c'est vrai, ça fait vachement technique d'approche, ouais. Oui, c'est moi qui suis venue, effectivement, et c'est rare parce que d'habitude c'est l'inverse. Et qu'est-ce que je suis allée écouter d'abord en premier, je suis allée écouter Café Clatch, et quand je t'ai entendu parler, façon un peu aigrie, oui. Voilà, hein, de toute manière t'as bien trouvé ton mot, quoi. Ça, je me suis dit. Oh. Mais qu'est-ce que c'est... Mais pourquoi il parle mais comme qu'est-ce ça? Qu'est-ce que c'est que cet être humain bizarre? Non, je me suis pas dit ça. Je me suis dit, oh, mais j'ai l'impression de m'entendre parler, quoi. Je retrouve dans tes phrases mes phrases d'il y a quelques temps, quoi. Alors, ah, mais vraiment... c'est bien, ça me laisse de l'espoir quand tu dis il y a quelques temps. Alors, ça me laisse l'espoir de redevenir normal. Je sais. Enfin, redevenir, par contre, ouais, hein. la conception de la normalité, oui. Par rapport à moi, mets-le vraiment entre guillemets. Quoi. Non, alors peut dire redevenir aveugle à la limite. Ça peut le faire, ça peut le faire. Ou lobotomiser ou tout non, ce qui non, non, inclut. Non, non, d'accord. Bon. Je suis pas d'accord du tout, mais non. Je suis pas redevenu aveugle. Je suis lucide, mais. Fut un temps où ouais, je parlais comme toi et je pensais peut-être un peu beaucoup comme toi et voilà. Bon. Ça me fait penser à Chris de Minute Papillon qui dans son truc, si tu ne connais pas son émission non. Sur YouTube, je t'invite plus que fortement à aller jeter un œil parce que au niveau aigri, je pense qu'il en tient une couche. Mais lui, il est pas aigri, il joue un rôle, il analyse et machin. Il parodie des choses, il parle avec une voix qui est un peu plus aiguë et tout. Et il a des petites coupures vidéo en plein milieu de ses phrases pour illustrer avec des personnages déguisés ce qu'il dit. Alors dit comme ça, ça fait un peu ridicule, mais il faut aller voir, c'est pas du tout ridicule, au contraire. Ça fait BD en fait. Quand tu me dis ça, ça me fait penser à une BD, mais je me trompe peut-être. Ben ouais, on pourrait peut-être voir ça comme ça. Ouais, c'est. Mais si tu veux, c'est très très engagé, tu vois. C'est très très engagé ce qu'il fait et même s'il pèse le pour et le contre, tu sens vraiment qu'il va au loin. Et à un moment, il dit quelque chose qui m'a fait justement penser à ce que tu disais avant. Il imite un cheval qui a les yeux, tu sais, les trucs des chevaux là. Je connais rien en cheval, donc tu vas peut-être pouvoir m'aider. Tu sais, le truc sur les côtés et qui dit, je vois pas sous le côté, je vais tout droit. Je vois pas sous le côté, je vais tout droit. Tu vois. Et ça me fait penser à ça. Et en fait, il assimile ça sur souvent au fait de d'aveugler les gens avec des conneries. C'est des œillères. Voilà. Merci. D'aveugler les gens pour qu'ils avancent dans le sens qu'on veut qu'ils aillent. Tu vois. Et ça me fait penser à ça en fait. D'accord. Ben, les gens ont le droit hein, d'être. Ah mais oui, bien sûr, ils ont d'être le droit. D'être aigris et puis je pense pas. Enfin, moi, je dis pas que je suis aigris. Je pense que je suis lucide et c'est pas parce que je viens là discuter tranquillement sur un podcast où je suis dans une bonne journée que j'en ai pas des. J'ai des journées sans quoi. Bah bien sûr, comme tout le monde, y a pas besoin d'être aigri pour ça. Et voilà. Après. La différence de avant et maintenant, c'est que je, comment je pourrais dire ça sans aller dans les détails, ma gueule en premier. Et puis c'est putain, c'est bien plus simple quoi. Oui, bah oui. Après on y associe le mot que les gens n'aiment pas et parce qu'ils voient le côté énormément péjoratif du truc, c'est égoïste, mais ouais. C'est une sorte d'égoïsme. Mm-mm. Ouais, c'est clair. Je m'en fous. Alors si, je dirais que si être égoïste ça t'aide à aller mieux, et ben ouais. Alors je suis égoïste et les gens qui sont pas contents, je les emmerde. Mais exactement. Mais exactement. Ah bah ouais. Ça va pas m'empêcher d'être sympa et ça va pas m'empêcher de faire des trucs avec plaisir pour d'autres personnes. Mais j'attends rien. Ouais, je sais pas. C'est un petit peu comme si tu disais je risque rien puisque j'attends rien. C'est moi où on est en train de faire le mode d'emploi des gens aigris qui n'ont rien à foutre de rien. Bah, je sais pas. C'est un peu ça. En même temps, je sais pas pourquoi on se parle de ça, mais en même temps, c'est vrai que si je suis venue discuter avec toi, c'est parce que je te dis je retrouve certaines idées que j'ai voilà. Même si je les exprime pas. Ouais, différemment maintenant quoi, mais ouais. Ça c'est peut-être mon problème, c'est que je les exprime peut-être un peu trop facilement. Je devrais peut-être faire même un peu plus ma mouille quoi. J'en sais rien. Chacun le vit à sa façon quoi. Ouais, mais tu vois, quand t'es aigri, quand les gens ne savent pas ce que c'est qu'être aigri, ils disent de toi que t'es râleur. Ce qui est pas du tout la même chose, parce que râleur c'est dans aigri, mais aigri c'est pas forcément dans râleur, tu vois. Ouais. Et tu sais que j'ai préparé cette émission. Oh. Ouais. C'est pas vrai. Si. Qu'est-ce j'ai pris des notes. Mais ouh. J'ai pris des notes. Ouais, mais alors, est-ce que t'as pris des notes sur Evernote? C'est ça qu'il faut savoir. Non. Sur un papier et un crayon, c'est ça? Bah oui. Oh, à la limite, sur le papier, ça va, mais prendre des notes sur un crayon, c'est un peu hardcore. Hein. Non. Elle est pas drôle, celle-là. Tu m'excuseras. Non, non, mais tu peux. Oh là, vas-y, vas-y. Elle est pas drôle. Et du coup, ouais, voilà. Je savais bien qu'on dévirait. Hein. Mais on était bien partis. Ben oui, c'est parce ça. Maintenant, faut bien revenir. Non, c'est parce que partir, revenir. Ok, non, c'est encore une game qui est nulle. C'est pas grave. On les mettra tout à la fin, tes blagues pourries. Oui, voilà, tu fais juste un bêtisier avec les vannes pourries. Donc, du coup, c'est là où les gens se suicident. Hein. Et moi, j'aimerais bien que tu me dises. Du coup, des podcasts audio, parce que si j'ai bien compris. En fait, tu regardes pas forcément beaucoup de podcasts en vidéo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et hormis les choses un peu tech, qu'est-ce que t'écoutes d'autre? Alors, hormis tech, alors ça non. Voilà, bah c'est la fin. Au revoir. Non, je déconne. Non, pas du tout. Sauf si je me trompe et que non, que pas du tout, t'as je des pas du podcasts tout. Passionnants qui sont. Ils sont comme ça, quoi. Ben, par exemple, j'écoute... Dis-moi. Ouais, non, c'est un podcast aussi, ça. Non, mais j'aime bien De quoi je me mail, par exemple, de François Sorel. C'est un podcast d'RMC Radio. Ouais. C'est aussi un des premiers sur lesquels je suis tombé, et du coup, j'ai toujours été fidèle. Même si, pareil, ça a changé depuis que ça a été racheté par 01net, la qualité de son s'est réduite, ils ont foutu des caméras, et c'est plus des démonstrations, enfin, de temps en temps, il y a des démonstrations qui sont purement vidéo, et donc, voilà, ça descend en qualité, comme d'habitude, dès que ça se fait racheter par une société plus grosse, par une société qui est dirigée par des gens malveillants, ben forcément ça réduit de qualité. On le sait, c'est toujours comme ça. Voilà, c'est un micro coup de gueule dans mon truc. Voilà. Et ça c'est bien. Et puis quoi d'autre? Bon, la vie des moutons, d'accord. Tout le monde écoute ça. Notre cher Picaboo, de toute façon. Le WAPEX. Et je t'avais écouté hein, dans la vie des moutons. Oh, mais je savais pas que c'était toi. Ouais, ouais, ah ouais, mais je savais pas que c'était toi. Non, je sais ce que c'était. La redevance télé. Ouais, la redevance télé. Voilà. Ouais. Mm. Je savais pas, en fait. Bah, de toute manière, on s'en fout, quoi. Oui. Et je suis retombée dessus. Mais après, sinon. Mais j'en parlerai. Je ne parlerai pas de toi dans ça. Je reparlerai de la vie des moutons dans le prochain épisode. Mais comme mon prochain épisode sort, tira jeudi soir, et que là, aujourd'hui, on est mardi. Celui qu'on fait ensemble sortira après. Donc les gens qui vont entendre ça auront déjà écouté l'épisode dont je parlerai de la vie des moutons. Voilà, tu viens de faire planter mon cerveau là, c'est fini là. Écran bleu. Attends, faut que je reboote là, c'est oula, c'est avant mais après, parce que le après en fait, c'est sort avant. Donc comme on est mardi et que c'est après le avant est sorti mardi du jeudi d'après. D'accord. C'est... OK. Non, ça va, j'ai bah, c'est ça, de... c'est bon. Bah oui, c'est ça. Bah, c'est ça, c'est bon. Donc, on en a, elle en a là, déjà parlé la semaine dernière, mais là, vous entendez que on découvre qu'en fait, elle va en parler la semaine dernière. Ok, Marty? Ok, Doc. Donc, voilà. Donc, ensuite, un autre? L'éclectique show. Bah, je crois que t'en as parlé la semaine dernière. Ouais. Enfin, du coup, il y a, oh merde. Un, deux, trois, quatre. Il y a quatre semaines, du coup. On fait des ellipses avec le temps, là, je crois. Voilà, c'est ça. Il y a quatre semaines, l'éclectique show de Matt. Ouais. Qui goûte des hamburgers à la fin, ça me fait marrer. Tu l'entends avec son accent naturel, du coup, et puis les gens qui parlent en face avec leur accent. J'adore, mais tu sais quoi, j'adore cet accent, mais je kiffe trop, quoi. Je me dis, mais j'aimerais être trop pouvoir y aller, quoi. C'est... L'accent québécois? Ouais, c'est ça. Ah bah, pareil. J'adore. Mais quoi, je l'ai déjà dit, ça. Moi, j'adore. Moi aussi. Pareil. C'est, je sais pas, c'est des poèmes quand ils parlent, quoi. C'est génial. Non, mais c'est vrai, c'est... Moi, j'adore, en tout cas. Ah oui, non, mais moi, je te rejoins complètement. Je suis amoureuse de l'accent, quoi. Bon, bref. La conversation scientifique par Étienne Klein. Parce que lui, j'adore. Lui, je pense que même quand il dit prout, c'est intéressant parce que je suis sûr que derrière, il est en train de t'expliquer le pourquoi du comment de la formation des particules de tout ce que tu veux. Enfin, je veux dire, voilà, quoi, c'est... Étienne Klein, tu connais? Non. Non, c'est Étienne Klein, c'est un scientifique français qui est... Comment? Je dirais que ce mec est hallucinogène, parce que quand il parle, en fait, t'es porté, tu rentres dans sa conversation, c'est juste... Enfin, c'est... Voilà. C'est Étienne Klein, quoi. Mmh. Il a deux, trois, comme ça, des scientifiques français qui sortent du lot, et lui en fait partie, surtout... Il est connu pour ses recherches sur le temps, et... comment? Pour sa façon particulière de voir le temps, d'ailleurs... Alexandre Astier avait fait un petit clin d'œil dessus lors d'un de ses sketchs, parce que Étienne Klein a toujours dit a dit suite à des recherches que a prouvé mathématiquement que le temps n'existe pas. Enfin, pas que lui d'ailleurs, mais lui il en parle beaucoup et il t'en fait la démonstration. Enfin, c'est intéressant. Ouais, mais bon, confiance. Faut aimer un minimum. Faut aimer un minimum la science et aimer qu'on te parle de gravité, qu'on te parle d'espace-temps et de ces choses-là. C'est toujours pareil, quoi. Ça dépend comment c'est abordé. Ben ouais, mais non, je suis pas d'accord, parce que au début je comprenais rien, et puis après 5 ans où j'ai écouté, lu des bouquins, ben je comprends un peu plus. Mais je pense qu'il faut déjà se poser des questions sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est ci, ce qu'est ça. Je veux dire, moi ça m'a pris un jour où je sais plus pourquoi, du coup ça m'a fasciné. Je me suis dit, ah mais non, c'est ça en fait, mais c'est délirant. Et j'ai fait le lien entre le tout petit, tout ce qui se passe en tout petit, et notre ressenti à notre échelle, qui est beaucoup plus grande. Je me suis dit, waouh, mais le lien, il est complètement taré, et puis, bon, on va aller voir ce que c'est, quoi. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et puis ouais, ça fait quoi? Ça fait des années que je m'intéresse à... Dès que je ne sais pas ce que c'est, je vais voir, à lire des bouquins, ainsi et ça. Mmh. Ouais, d'accord, ouais, je comprends. Ça vaut pour toutes les matières, quoi. Enfin, Oui. C'est comme les bouquins de philo qui sont... écrits pour que ce soit à la portée. Enfin voilà quoi, y a toutes les matières, ouais. Toutes les matières sont. Moi j'ai été pris par la physique, mais ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été exactement la philo. Je sais pas, n'importe quoi d'autre, la biologie, ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une fille, un podcast. Alors je sais plus de qui c'est. Ah, ça, c'est la partie lèche-cul, mais d'habitude, c'est moi qui fais ça. Non, bah, je l'ai dans la liste, hein. Je l'ai mis, c'était pour le tacle. Je voulais continuer par dire, c'est pas terrible, mais j'écoute quand même, mais en fait, tu m'as cassé dans les lampes. Putain, elle est conne. Oh, la vache. Ça se passe là-haut. Ça, oui. Tout le monde écoute, puisque c'est en haut de PodCloud. Tout le monde connaît ça et tout le monde écoute, je pense. Oui. Par Eric Simon. Non, pas toi? Non. Non. Oh, comment non, ça se fait? Ben, parce que j'en ai écouté un ou deux. Et que, je sais pas. C'est un truc qui dure 5 minutes, non? Oui, c'est ça. Moi, je les écoute par paquet de 10 ou 20, hein, en fait. Voilà. C'est ce que je fais en général. Je les garde de côté, et puis quand j'ai une après-midi où je peux me concentrer vraiment sur ce que j'écoute, si je bricole, par exemple, là, t'as pas besoin de te concentrer, j'écoute donc... Enfin, pas sur le bricolage, mais je veux dire, je me concentre sur le truc et j'écoute en détail, et j'adore. Et ça va pas me gêner de rattraper les 15 épisodes qui vont me rappeler plus tard, tu vois. Donc c'est pour ça je me formalise pas de ça, quoi. Mais oui, j'en ai écouté 2-3, c'est agréable. Ouais. La petite musique est géniale, oui. Voilà. Bon. Enfin, je veux pas te faire l'enfant de chanter. Je peux la mettre, là, si tu veux. Écoute. Donc, ça se passe là-haut. Oui, c'est ça. L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Quoi d'autre? Si tu... Ouais. Ah, moi si j'en ai un, je suis sûr que t'écoutes pas. Ah. Pour deux raisons. Vas-y. Déjà parce qu'apparemment ils ont arrêté, sans prévenir, ouais. Donc je suis un peu en colère. Et je suis en colère pourquoi? Pas seulement parce qu'ils ont arrêté, c'est parce que t'aimais bien. Ah, mais j'adorais. Ouais. C'était le podcast de l'antre. C'est un podcast qui diffusait des morceaux de métal. Et comme j'aime beaucoup ce type de musique très violent et qui correspond bien à mon caractère aigri, j'aimais beaucoup parce que le métal n'est pas très en vogue en France, comme l'a confirmé Nota Bene lors d'une discussion à cette convention. Mais voilà, c'est diffusé du métal et j'adorais beaucoup. Non, bah ouais, t'as raison, je connais pas. T'écoutes pas de métal, toi? Alors, je vais pas choisir d'écouter ça. Ouais. Mais forcément, j'en écoute par l'intermédiaire de mon mari, forcément. Il écoute ça? C'est un bon gars. De le quitter, juste pour ça. Mais c'est pas grave, hein, si t'écoutes pas de métal. C'est comme, je veux dire, quand t'as un rhume, ça passe au bout d'un moment. Tu finiras par en écouter, t'inquiète pas. Oh putain. C'est de la propagande, c'est pas grave. Alors, c'est-à-dire que il y a une c'est, je sais pas si on peut dire, c'est une éducation de l'oreille, quoi. Bon, dans un album d'un groupe de métal, il y a souvent une chanson qui est à peu près plus douce que les autres, quoi. Hein, bah, c'est-à-dire que moi, quand c'est trop doux, ça m'embête. Après, mais ben, du coup, c'est celle forcément que je vais peut-être préférer, hein. Ouais. Après, le reste, écoute. Mais je pense que ce qui divise les gens dans le métal, c'est ce monsieur qui gueule par-dessus. Des fois, t'enlèves juste ça et ça peut plaire à tout le monde. Ah, ouais, exactement. Voilà. Mais ça doit être défoulatoire, j'imagine. Ben, écoute, moi, je suis tombé, mais alors récemment, mais par hasard, sur un groupe apparemment qui est très connu. Je ne connaissais pas, honte à moi. Ça se trouve, s'il y a des métalleux qui nous écoutent, ils vont m'envoyer jeter les cailloux. Une bouteille vide. C'est plus métalleux, c'est plus la bouteille vide que le caillou, hein. Le caillou, c'est le croyant, oui. Tu sais. Mais on va pas recommencer, hein. Mais le métalleux, c'est la bouteille de bière vide et c'est Animals is a leader. Je sais pas comment on le dit, je suis pas trop un spécialiste de l'accent anglais. Animal is a leader, dit en bon français. Et en fait, c'est du métal sans parole, sans chant. Donc, je vais préférer ce genre de choses. Ouais, bah, tant de voir, tu vas voir, c'est vraiment pas mal. En plus, c'est du djent, apparemment, c'est les rois du djent. Et, j'aime beaucoup. C'est très très mélodique, c'est très technique aussi, enfin moi j'ai trouvé ça chouette, j'ai découvert il y a 2 jours et depuis je me passe en boucle les albums de ce groupe. Mais bon voilà. Donc ça aurait pu passer dans le podcast de l'antre. Pardon, je fais tomber des choses sur mon bureau. Et tiens, un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps, ça s'appelle... Et que j'ai bien aimé, tu vois, ça fait partie des choses sur lesquelles je tombe par hasard Et moi, je clique dessus et je vais l'écouter sans savoir ce qui va être dedans, mais ça me va, tu vois. Je teste. Et ça s'appelle l'instantané. Oh, je connais pas. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, il n'y en a que trois. J'en ai écouté que trois. Donc, du coup, j'ai écouté les trois. Alors, ils ont des noms un petit peu particuliers, hein, parce que... Attends. Je l'ai noté parce que ça, j'étais pas capable de m'en souvenir. Je sais. Oui, si, ça doit être leur nom. Enfin, bref. FQPEH. Et l'autre s'appelle TMDJC. Voilà. C'est leur nom. C'est d'accord. Un homme et c'est une femme. Mais en même temps, leurs noms sont... C'est rigolo, mais c'est pas le sujet du podcast. Ils prennent des sujets. Ils prennent un sujet et ils en débattent. Ils partagent leur point de vue, et puis c'est assez sympa. Le ton monte jamais, tu vois, c'est calme, c'est réfléchi, c'est propre à écouter. Et puis voilà, ils partagent leur pensée du moment sur un sujet précis, alors que c'était assez intéressant, puisque ça m'a donné l'envie d'écouter le 2. Et le 2, j'ai juste adoré, quoi. Vraiment. Ils parlaient donc d'animé japonais. Mais après, ça peut brancher ou pas. Il faut aimer le sujet. Mais non. Même si t'aimes pas le sujet, c'était vraiment intéressant. Et il parlait notamment du film Le Tombeau des Lucioles. Après, je sais pas si t'as déjà regardé ça. Si tu veux, en fait, moi j'aime beaucoup les animés comme ça. Mais souvent, on tombe sur des choses qui sont adaptées aux enfants et aux adultes, hein. Tu peux avoir deux lectures en fait sur le truc, mais là, le Tombeau des Lucioles, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment pas pour les enfants, quoi. C'est pas tout jeune, en plus c'est 88. Non, c'est vieux. Mais moi, quand je l'ai vu plusieurs fois et j'ai juste adoré, et j'ai encore pas trouvé un animé qui le dépasse, quoi. C'est vraiment mon truc que je mets tout en haut, quoi. Et je me suis dit, waouh, ils vont parler de ça, génial. J'entends tout le temps parler de Miyazaki et j'adore. Ça aussi, j'entends parler un petit peu, mais moins. Donc, je me suis arrêtée sur le truc. Et avec plein de feeling, la fille, elle en parlait avec tout son ressenti et tout. Et c'est ce genre de conversation que j'apprécie beaucoup, quoi. Et si t'as jamais vu cet animé, bon, bah déjà, je te conseille d'aller le voir. Moi, je suis déjà mis de côté pour le... Et c'est tout l'inverse de ce qu'on attend d'un dessin animé, quoi. Alors, peut-être pas d'un dessin animé japonais, mais c'est vraiment tout l'inverse. Aux antipodes complets de ce que tu retrouves sur un Disney, quoi. Ah, et, oui. Et voilà, et si t'as envie de pleurer un peu, voilà, quoi. Faut vraiment le voir. Bah, dans ce cas, je peux te retourner un conseil, si tu veux. Oui, moi, j'avais... Ça peut paraître curieux comme ça, mais oui, j'aime beaucoup pleurer devant la télé. Ben j'en ai un qui va aussi te demander quelques jours pour t'en remettre. C'est court, c'est un anime japonais aussi. C'est très court, ça dure 63 minutes. Ça s'appelle 5 cm par seconde. Alors je pense que le titre s'exporte mal en France, parce que plusieurs fois quand j'ai parlé de ce film, on m'a demandé si c'était un film pour adultes. Non, pas du tout. Enfin, quoique... Dans le sens où un enfant comprendrait pas, parce que ça parle d'une histoire d'amour qui se passe pas forcément très bien. C'est très triste, quoi. Effectivement, tu vas pleurer. Tu vas beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, moi, j'ai pleuré longtemps parce que ça me rappelait un petit peu un cas réel. Donc, peut-être que ça va plus atteint que ça l'aurait dû. Mais après, je suis tombé dessus parce que le graphisme est magnifique. Les images sont sublimes. Je l'ai acheté en Blu-ray en plus, donc c'est vraiment... J'ai pas de mots pour qualifier tellement j'adore ce truc. En plus, la bande originale est juste indescriptible. Je m'en suis fait des réveils, je m'en suis fait des enfin j'ai l'album. Ah ouais. C'est indescriptible, c'est joli, quoi. C'est 5 cm par seconde. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Ah bah oui, effectivement, là, tu me donnes envie. On est un peu malade, non? À se donner des trucs qui font chialer. Ouais, quand même, carrément. J'essaie justement de chercher si j'ai pas un extrait musical, mais je ne le trouve plus. Forcément, c'est quand tu cherches que tu ne le trouves plus. Ben, cherche encore un petit peu, c'est pas grave, moi je vais continuer à parler. Je vais pas manquer d'aller le voir, ça c'est certain. Et puis toi, de ton côté, t'iras voir Le Tombeau des Lucioles. Et puis tous ceux qui nous écoutent aussi, je le conseille. C'est beau, et c'est plein de poésie. Alors, donc du coup, voilà, moi j'étais super contente d'avoir entendu dans un podcast qu'on en parle. Et là, il y en a peut-être dans ceux qui nous écoutent qui vont me dire « Ouais, mais si, on en a parlé, et puis moi j'en ai entendu parler là. » Et ben oui, ben, désolé. Voilà. Et leur troisième épisode, que je n'ai pas encore écouté jusqu'au bout, c'est sur la sexualité, la liberté, enfin bon, un truc dans le genre, et ça a l'air pas mal intéressant aussi. Et puis, non, ils sont vraiment très forts, quoi. Entre-temps, je t'ai retrouvé l'OST que tu m'avais dit. Bon, il y a trois notes de piano, mais moi, ça me met à chaque fois dans des états pas possibles, quoi. Ben voilà, je vais pas te la passer en entier. Parce que elle dure quand même. Ce morceau dure 2 minutes 52. Mais je. Rien que dans ces quelques notes de piano, c'est marrant parce qu'il y a une note joyeuse, des notes tristes, enfin, il y a tout. Enfin. Tu vois, c'est un assemblage qui est vraiment thème, parfait, je trouve. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le thème en plus, donc ça tombe bien. Je peux prendre 20 secondes pour aller prendre un verre d'eau? Ah oui, oui, non, mais tu vas faire ce que tu veux, je peux continuer à parler. Il n'y a pas de souci, tu j'arrive. Reprendras la conversation en cours de route. À tout à l'heure. Et donc, du coup, et je vais en profiter de le dire pendant qu'il n'est pas là et qu'il n'écoute pas. Non, je plaisante. Je vais l'attendre. Merde, j'allais dire du mal, c'est dommage, peut-être. Oh si, j'en profite. Alors, oui, il met trois plombes à revenir pour aller chercher son verre d'eau, parce qu'en fait... Je pense qu'il a des couloirs de 3 km. Je sais pas c'est quoi son appart, mais il doit être immense. Ou alors il faut qu'il filtre l'eau. Peut-être. Comme il habite dans des endroits où l'eau est pas pure. Alors c'est pas que je t'ai entendu loin, mais en fait je t'ai entendu loin. Et je pense qu'il filtre l'eau, quoi. Oui, oui, je filtre l'eau, ouais. Effectivement, c'est un peu loin. Enfin, ma cuisine est pas très... Voilà, c'est un peu... Voilà. Tout le monde va croire que j'habite dans un manoir, tu sais. C'est pas ça. Ça me fait penser à... Ça doit faire mal, apparemment, parce que t'as fait un bug, écran bleu, je sais pas, c'est... Ça pique. Ah, t'essaies de réfléchir, apparemment. Ouais, c'est ça. Parce que moi, ça me fait ça. Hein. Quand je réfléchis trop, pique. Je vois des points blancs dans les yeux. Puis après, il y a des gens autour de moi qui me disent « Monsieur, ça va ?» Je sais pas, d'un coup, vous êtes tombé, on comprend pas. Je dis « Ah, je comprends pas non plus. » Je suis en train d'essayer de faire une pirouette. Tu comprends ? Ah oui ! Bah écoute. J'étais en train de chercher. je comprends exactement ce que tu veux dire. Mais moi, je te propose, avant de faire cette pirouette, de continuer un petit peu la liste de podcasts, si ça te va. Ah. Bah oui, t'en as encore plein. Moi, j'en avais que deux, hein, ce coup-ci. Ah ouais. Parce que je suis... Ah non, mais parce que moi, j'ai vidé une grosse partie de ma bibliothèque de podcasts avec Blast. Ah bah oui. Et puis j'en garde 2-3 pour l'épisode que j'enregistrerai dans 2 jours, mais que vous entendrez avant d'entendre celui-là. Voilà, hein, tu te souviens? Oui. L'ellipse. Et donc je préfère 100 fois que ce soit toi qui parle et je t'écoute. Bah écoute, je vais les faire rapidement. Alors comme ça, j'aurai fini ma liste et puis on pourra faire cette pirouette magique qui fera que en fait, on se dépatouillera d'un truc qu'on savait pas comment faire, mais qu'en fait, on doit pas l'expliquer parce que sinon, on est en train de faire les coulisses. Bon, alors je disais les démons du midi, par exemple. J'adore parce que du midi. Ouais. Alors je connais pas. Moi, je suis un petit vieux des jeux vidéo. C'est-à-dire que j'ai joué à des jeux vidéo quand j'étais gamin, mais pas beaucoup parce que pas beaucoup. Parce qu'on en avait pas beaucoup. Et ouais, c'est ça. Ben, je pense que si on a le même âge, on a dû jouer au même genre de jeu. Forcément. Est-ce que tu sais que j'ai une copine qui a encore la Super NES? Mais je l'ai dans mon salon. On se fait des parties, quoi. Bref. Donc je note, si un jour tu viens, je sors la console, c'est un Mario et Luigi, bam bam, 5 vies, on verra qui s'en sort le mieux. Ouais. Tu risques de me démonter, mais... Ouais, c'est kiffant. Les vieilles consoles, c'est vraiment le kiff, quoi. On a dévié. Oui. Parce que je te parlais de Démons du Midi, du coup, tu vas peut-être aimer. Il n'y a pas beaucoup encore d'épisodes. Une 15-20, je sais pas. Je dis, ouais, j'aurais dû préparer un peu plus, celui-là. Mais... Parce qu'en fait, ça passe des musiques de jeux vidéo. Alors, là où j'en suis, ça passe des musiques plus récentes. Mais d'où le nom, les Démons du Midi, pour ceux qui font un peu d'audio, pour ceux qui écoutent les sondiers... le midi, c'est une... voilà, c'est un protocole musical. Ouais, bref. Okay. Voilà. Ouais, c'est bon. Mais en tout cas, c'est basé là-dessus, et puis du coup, ça passe de la musique de jeu, et c'est super bien. Enfin, c'est un des seuls que j'arrive à écouter au boulot, parce qu'il n'y a pas besoin de se donc, concentrer, mais c'est de la musique. Ils ne parlent pas, ils parlent si, pas, c'est que de la entre musique. Entre les deux, ils expliquent ce qui passe quand même. Ils expliquent d'où ça vient. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu un truc comme ça. Mais ils ont un super son de micro et mm-hmm. ça fait très pro, très radio et tout, sans les pubs, juste le plaisir de la radio avec le son très radio. Donc ça c'est super agréable et puis entre il y a les musiques, donc c'est voilà. C'est enfin pour moi c'est terrible. Et puis tu découvres plein de choses, tu réécoutes plein d'anciens trucs. Enfin, je veux dire moi je sais qu'à un moment j'écoutais ce podcast et puis à un moment ils ont passé Sword and Sorcery qui est un jeu que je qui est bien, mais sans plus, mais qui a une bande-son énorme, énorme, énorme, énorme, énorme. J'ai pas assez de mots pour le dire, tellement c'est énorme. Je vais le dire, j'ai trouvé. Les démons du midi. Alors, oui. Gotoz et Piponarpis. Oui, voilà, c'est ça. Retroussent leurs manches et fouillent dans leur mal à bande-son pour en sortir des pépites jeux vidéo chers à leur cœur. Voilà. Nul voilà. besoin d'être connaisseur. Non, puisqu'ils t'expliquent, ils te disent d'où ça vient et tout. Ils s'attardent pas trop, donc c'est pas voilà. saoulant, c'est concis. Chaussez votre bon vieux casque et c'est parti. Mais c'est un régal, hein. C'est un régal parce que soit on aime pas du tout ce type de musique, hein. C'est de la musique de jeu vidéo, mais ce qui dit musique de jeu vidéo, ça peut être très bien du 8 bits ou alors de l'orchestral et ainsi de suite. Donc c'est enfin moi j'adore. J'adore. C'est sur Radio JV. Ah bah voilà, je savais que c'était plus haut, il y avait quelque chose au-dessus quoi. On peut, par exemple, en mettre un petit morceau derrière pendant qu'on parle pour que les gens ils entendent. Oui, carrément, carrément. Hein ? C'est l'heure des démons du midi. Bienvenue dans ce 16e déjà épisode des Démons du Midi. Après un hiatus indépendant de notre volonté dont on s'excuse très vite. Voilà les petites contingences de la vie ma foi. Exactement, nous revoilà en pleine forme pour cette nouvelle année. Eh oui. Et je vais en profiter peut-être pour rappeler un peu qui on est et ce qu'on fait ici. Faisons ça. Alors moi c'est Pipo Mantis, je travaille chez Canard PC. Je suis Gotoz et je travaille chez Gamekult et ensemble on anime un podcast mensuel d'environ 2 heures consacré à la musique de jeux vidéo. Exactement, et donc en fait une émission sur deux on va avoir ou une émission fourre-tout où on met un petit peu tout ce qu'on veut. Voilà. Ça va être le cas aujourd'hui donc ce seront les émissions paires. Exactement. Et les émissions impaires ce sera des émissions à thème, donc on avait déjà fait les jeux de baston, les jeux de course, etc. La guerre qui auront un fil rouge, même s'il est tout petit et tout fin, qui c'est juste une bonne excuse, ça permet de, voilà, de réunir les gens autour d'une thématique. Et comme chaque émission, on va commencer avec des morceaux d'actu, donc en fait ce qu'on appelle nous l'actu, qui sont les jeux auxquels on a joué le mois dernier. Voilà. Et je crois que c'est toi qui commences. Exactement, alors aujourd'hui je vais faire une petite entorse à la règle avec un jeu qui n'est pas encore sorti, mais qui nous a gratifié d'une alpha, oui. Avec exclusive coupée tirée de Drift Stage. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bah les sondiers, forcément, j'adore, bien sûr, énormément. Un podcast sur le son, tiens, c'est curieux quoi. Ouais. Et je me suis rendu compte que j'avais pris de la distance avec ce qui sortait maintenant, les certains effets, certains machins et tout. J'avais encore mes vieux instruments virtuels et tout. J'avais pas conscience que ça avait évolué. Ce qui est con parce que forcément ça évolue. Et je me suis remis à la page et ça m'a repermis de faire de la musique avec des choses plus récentes. Et du coup, j'ai recommencé beaucoup plus la musique qu'avant, en fait. Là, c'est pratiquement tous les week-ends en ce moment. Dont ah, certains ouais. projets avec notre cher Phil en commun. Voilà. Je vois pas de quoi tu parles. C'est D'accord. compliqué. Je vais faire vite les autres. Niptech. Bon, bah, Niptech, hein, voilà. Non, attends, t'as pas fini les sondiers. Enfin, t'as fini les sondiers, là ? Ah, bah, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus que... J'en sais rien. Tu voulais que je balance avec Duster Blast, mais je la balancerai pas. C'est pas grave. Mais Non. Non. Mais je la connais pas. Mais si, bien sûr, je veux que tu la dises. Bah non. Ah, non bah, attends que tu m'as dit ça, je veux que tu la dises, mais je sais pas de quoi tu vas me parler. Je en parlerai avec lui s'il veut, s'il est curieux, mais non, je dirai pas ça. Bref. Et c'est eux qui m'ont fait découvrir Reaper, je ne connaissais pas, et du coup, je me suis forcé à faire un morceau dessus. Et même si je suis retourné sur Cubase, mon ami d'enfance, Reaper a été très très efficace de A à Z. Donc voilà. Alors tu utilises Reaper ? J'ai non, utilisé. Tu utilises Cubase. Cubase. Là, maintenant. D'accord. Maintenant. Moi je suis en train d'apprendre à utiliser Reaper. D'accord. Bah c'est très très bien. Et ouais. Comme la licence vaut rien, en plus 60 boules quoi. 60 boules pour une licence pour un DAO. 60 boules. Ouais. Ça va, tu t'en sors alors ou... Bon ouais. C'est cool hein. Je m'en sors. C'était le temps de démarrer le truc en fait, de paramétrer un petit peu le savoir un petit peu comment mettre le micro sur. Tu vois, en fait, c'est pas. C'est-à-dire que c'est pas fluide au démarrage. Et après, une fois que t'es dessus, mais rien que pour le montage. C'est fou. De, hein. Puisque tu as remarqué que quand tu viens discuter avec moi, il y a un petit peu de montage quand même à faire derrière. Un ah tout oui, petit je pense peu. Bien, oui. Ça me fait gagner un temps fou, mais vraiment. Ouais, en tout cas dans les sondiers, si tu voulais savoir, moi je vais te le dire, il y a Knarf, oui. Aspic, voilà, Asmode. Aspic, bien sûr, Asmode. Voilà, voilà, Blast Theorine qu'on a déjà dit, le Margot. Le Mago. Le Mago. Oui. Oh, ça va, le Mago. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, t'as oublié Blast, il va t'en vouloir, je crois. Non, je viens de le dire, monsieur. Ah, bah ça a dû couper, je l'ai pas entendu. Ah, bah j'ai dit en même temps, j'ai dit en Blast Theorine, le Mago. Alors, Féru d'informatique et de saga MP3. Mais vous pouvez m'appeler Paul, car tel est mon prénom, c'est écrit. Bah, ça me dit rien. Non, bah, moi non plus. Bah, c'est bizarre. Mais sinon, tu le laisses, signé... Paul. Alors voilà. Alors celle-là. Signé, il y a Stan. Oui, Stan, forcément. Welf. Jay. Bah voilà, tu vois, il y a trop de monde. Sinon, t'as pas capté ma blague, je reviens là-dessus, hein. Sinon, tu le laisses, Paul. C'est une marque de guitare. Laisse, Paul. Ok, je me sens seul, c'est cool, c'est pas grave. Ouais, et je réponds même pas pour que vraiment tu te sens bien, bien, bien, bien seul. Je suis sûr que celui qui connaît la marque de guitare est éclaté de rire derrière son micro, derrière son casque. Mais je me sens quand même bah, seul. J'espère. Eh ben, envoyez-moi un tweet à ce moment-là si vous êtes en train de rire pour me dire que c'était drôle parce que je n'ai pas. Et si c'est pas drôle, vous m'envoyez une bouteille. Oh, sois pas si dur avec toi. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que là, je pense qu'on a fait le tour des sondiers, ça te va, là? Ah oui, parfait. Bah, bon, après, c'est une émission que j'écoute, que je trouve très intéressante, que j'ai commencé à écouter tout au début, il y a longtemps, quand tu, voilà. Et j'avais décroché, en fait. Oh. Hein, sans blague. Parce qu'au bout d'un moment. Pourquoi ça sonnait depuis longtemps? Ok. Ok, eh ben écoute, reprends ta guitare, hein, et puis va te marier avec ta guitare et ton téléphone. Et du coup là, ça fait pas longtemps, je me suis dit je vais recommencer à écouter et me les refaire. Donc j'écoute l'épisode qui sort et en même temps j'écoute les vieux, histoire de pas reposer tout le temps les mêmes questions aux personnes qui sont ravie d'y répondre, mais j'aime encore bien me démerder toute seule, hein. Donc j'essaye de voilà. D'accord, tu comprends. Et voilà. Et dans le dernier que j'ai écouté, alors est-ce que c'est le dernier? J'en sais rien. En tout cas, c'est le dernier que j'ai écouté moi. Je te le donne en mille. Qui est-ce qu'on retrouve? Ah. Encore. C'est marrant parce que c'est les mecs que je voulais citer juste après, les mecs du P2P. C'est fou. Eh ouais. L'un dans l'autre. Alors ça se tient. Moi, je me suis dit ouais, je vais apprendre des trucs. J'ai écouté les sondiers. Ben non. Eh ben non, on retrouve tout le temps les mêmes personnes dont on parle tout le temps. Et je leur fais un petit clin d'œil parce qu'ils savent très bien que là, je suis en train de... Enfin, moi, pas clin d'œil. Moi, je leur fais un gros bisou. Mais... Après, c'est chacun son truc. Mais remerciement. Que tu vas me dire non, pour faire un petit remerciement quand même sur les sondiers. C'est que merci à eux pour le pou. Je connais... Et ils comprendront. Mais moi, je connaissais pas et ça m'a changé la vie. Voilà, c'est tout. Très bien. C'est les simulateurs d'ampli de guitare et de machin, et ça m'a changé la vie. J'utilisais ampli tube qui me convenait pas, et finalement là, avec les loupous, c'est juste magique. Voilà. Tu revis. Oh, t'as pas idée! Bah écoute. Ça m'a bousillé quelques week-ends à jouer comme un taré, mais. Mais oui. Très bien. Et le dernier, t'en avais un dernier? J'avais plus qu'un dernier, mais si tu veux, je te choisis un dernier de là-dedans. Ah non, mais je sais pas, mais c'est toi qui vois, si tu veux encore me parler de d'autres. Eh oui, tu voulais parler du P2P. Vas-y. Oui, bah, P2P, non, du P2P. Bah, voilà. C'est frais, c'est chaque fois un sujet différent, c'est, il y a pas de, ils se prennent pas la tête, t'entends quand ils fument une clope, tu entends s'il y en a un qui boit une bière, enfin voilà, c'est ce que j'aime, c'est le... Je dis ça et au moment t'entends un bruit de canette. Donc ouais. C'est du coca, je suis désolé, hein, c'est du coca. Hein. C'est mon micro qui a tapé dedans. Enfin, mon câble de micro. Tu boirais une bière, qu'est-ce que ça pourrait faire, ça? Bah, on sait jamais si un jour le CSA tombe dessus. Hein. Non, il y a aussi Queen Novi qui est pas mal. Bah, je pense que tu connais d'ailleurs. Bah oui, oui, oui, bien sûr. C'est vachement avec Barberousse, que exact. J'adore. Avec son humour acéré, j'aime beaucoup. C'est ça. Oui, oui, oui. Au début, je me suis dit, merde, un mec qui est aussi méchant que moi, c'est bizarre. Et en fait, j'ai vu qu'il était aussi aigri que moi, donc ça m'a rassuré. Ah, il est aigri aussi, lui. Bah, en tout cas, il donne l'impression, comme moi. Mais c'est peut-être, je sais pas, il a l'air, en tout cas. Mais c'est marrant. Ouais, j'aime beaucoup ce genre d'humour. Le corbeau qui passe, là, j'adore. Mais du coup, comme quoi, je comprends presque ce que tu disais quand tu avais vu aigri sur mon compte, parce que moi, c'est ce qui m'a fasciné chez Barberousse, son côté aigri, tu vois. Bon, faut quand même dire qu'il n'y a pas que Barberousse, il y a aussi Matt, il y a Queen Novi, enfin, il y a toute l'équipe des filles, ainsi de suite. Ouais. Il y a du monde, quoi. C'est vrai. Et elles sont géniales, je les aime beaucoup. Mais carrément. Qu'est-ce qu'on a encore? Il m'en reste 2-3, en fait. Comme ça, je les fais vite. Et puis, voilà. J'ai RFI autour de la question. Ah, je connais pas. Sur, bah, RFI, c'est la radio, autour de la question, c'est dans l'émission. C'est un peu comme l'attaque. Enfin, la tête au carré. Mais en, peut-être encore plus scientifique. Donc c'est intéressant. Ça vient de là, c'est tout neuf, je sais pas si t'as déjà entendu. Non. C'est ça t'explique d'où viennent certaines expressions, certains mots, le nom des groupes de musique, c'est vachement bien. Ça dure une petite heure, c'est fait par un Canadien qui n'a pas trop d'accent, c'est parce que dommage en fait. Et c'est super sympa parce que c'est entrecoupé de plein de sons. Alors des fois un peu trop. Des fois un peu trop parce que ouais c'est au goût de chacun quoi mais ouais c'est ça bien sûr c'est subjectif hein c'est mais bah des fois un peu trop parce que bah un truc bidon c'est que l'autre fois j'étais sous la douche quand ça passait et les sons devaient être un peu plus faibles que sa voix quoi qu'est-ce qu'il y a j'ai pas le droit de me doucher excuse-moi si toi tu te laves pas moi j'ai le droit ou comment et non j'ai vu une savonnette là d'un coup bravo Ouais, voilà. Donc voilà, bon, on a fait le tour, je pense, des podcasts un petit peu qu'on écoutait. Ouais, je les ai pas tous cités, mais ouais, j'ai fait un gros tour. Quoi. Ouais, voilà. En fait, je trouve ça sympa de pouvoir discuter avec quelqu'un qui en écoute aussi, parce que c'était ce qui me manquait à la base. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire un podcast pour discuter de ça, parce que dans mon entourage proche, ben, personne n'en écoute à part moi, donc je me sentais seule. Oui, je veux bien te croire, parce que chez moi, c'est pareil, personne, donc quoi. Ouais, ils savent même pas de quoi je parle, quoi. Des potes, quoi. Quoi? Les podcasts. Donc ça me fait super plaisir, en fait, de venir en discuter avec d'autres personnes qui savent de quoi je parle, quoi. Et puis voilà, puis on rencontre des gens aussi, et on discute d'autres choses, quoi. Et on peut même lancer des débats. Et donc, comme on avait discuté d'un truc, mais je sais plus exactement quelle était notre conversation, et la question est venue dans notre conversation. Moi, je sais comment c'est venu. Toi, tu sais comment c'est venu? Ouais, mais je pense qu'il faut d'abord que tu poses la question. Il faut d'abord que je pose la question. La question, c'était... est-ce que tu penses qu'il est possible d'avoir... une discussion sans arrière-pensée avec une personne du sexe opposé quand c'est les premières fois que tu rencontres la personne. C'est ça, notre question. Bah moi j'ai la question exacte qui a été posée. Pense-tu qu'il soit possible d'engager une discussion avec une personne du sexe opposé sans automatiquement penser qu'un jeu de séduction soit présent? T'as vu, je fais bien le mec qui... Ouais, hein. Mais elle est très bien formulée cette question, dis donc. Tiens, je dirais que c'est toi qui l'as écrite. Ça. Ouais. Je dis rien. Eh ben, ouais, voilà. Et tu te souviens alors comment est-ce que c'est rentré dans notre conversation, ça? Oui, bien sûr. Moi, je me souviens plus. Vas-y, raconte-moi. Est-ce que tu veux que je le dise? ça me gêne pas. Et puis si tu dis quelque chose qui me gêne, je couperai. Voilà, tu peux c'est me faire ça. Confiance. Ou tu mets des bips ou je sais pas. Je suis la, je suis la reine de la du montage maintenant. Oui, voilà. Ben moi je raconte comment ça s'est passé. C'est quand tu es venu me parler au bout d'un moment. Pourtant je disais rien de spécial. T'as précisé un moment, mais je te drague pas. Et puis une autre fois. Ah, j'ai dit ça. Ah oui, oui, t'as précisé, entre parenthèses, je te drague pas. Je sais plus ce que tu disais, un truc, comme c'était une intention sympathique, t'as précisé, je te drague pas. Et c'est rigolo parce qu'en fait, je m'en souviens plus. Bah oui, mais tu vois, comme quoi c'était inconscient. Oui, oui, bah oui, parce que après, moi, c'est pour ça que je t'ai lancé cette question, je t'ai raconté tout ça. Ouais, c'était tellement pas naturel que, moi, je t'ai dit, mais arrête de dire ça, je suis pas là pour draguer ou machin, ou je dis en plus c'est toi qui viens me parler, donc je pourrais plutôt te dire l'inverse, et puis je sais plus, et du coup je dis, ben ça c'est standard en fait, dès que quelqu'un apprend que je suis célibataire et que je discute avec, il y a toujours ce lever de bouclier pour dire on discute mais je suis pas célibataire ou c'est pas de la séduction ou machin, et du coup je t'ai fait part entre guillemets une petite problématique que ouais, j'avais. Ouais, ça y est, je me souviens. Voilà, ah, c'est très bien, tu vois. Où je te disais que justement, c'était standard. C'est-à-dire que dès que je discutais avec une personne du sexe opposé, dès que je discutais rien que de sujets communs ou machin, j'avais toujours... Moi, je le détectais et la personne le faisait peut-être inconsciemment, mais il y avait toujours une levée de bouclier inconsciente qui disait « Attention, je suis pas célibataire. » Alors, c'était pas dit comme ça, mais c'était toujours bien... Enfin, comment dire, c'était reculé. C'était amené, quoi. Voilà, c'était amené, dans le truc, ouais. Et souvent, c'était pas très logique d'amener ça comme ça, tu vois. Et ouais, je suis pas toujours fine, hein. C'est clair que... Non, mais là, je parle pas de toi, forcément. Toi, tu me l'as dit clairement. Et moi, je t'ai répondu, mais je m'en fous, en fait, que tu sois marié ou pas, j'en ai rien à foutre, parce que ça m'intéresse pas, et... Enfin, pas dans le sens, ça m'intéresse pas, mais tu comprends, c'était pas le but de savoir si tu l'étais ou pas. Et puis moi, je te disais, justement, que dans ma vie, ben, souvent, comme j'arrive à un âge qui est plus très jeune et que c'est pas un âge où on est naturellement célibataire, dès que je parlais avec une personne célibataire qui était, on va dire, dans une tranche de plus 10 ou moins 10 autour de mon âge, il y avait toujours tout de suite une réaction de la personne opposée en disant qui glissait discrètement, plus ou moins discrètement d'ailleurs, le fait qu'elle soit célibataire ou pas, qu'elle soit complètement fermée, tu vois. Oui, j'ai bien compris que j'étais pas fine, ouais, c'est clair. Non, mais encore une fois, je te dis, c'était pas toi, c'est que ça m'a fait penser à ça. Et du coup, je t'ai expliqué ce truc-là. Et du coup, on s'est dit... Et du coup, je t'ai dit, c'est un réflexe. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est un réflexe. Je me rends pas compte que c'est mal amené, mais c'est sûrement qu'à un moment donné, soit... Il y a quelque chose qui me fait penser à ça. Soit c'est juste moi qui pense en me disant, oh là, je suis toujours en train de me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il pense? Je suis là en train d'entamer une conversation avec quelqu'un et, enfin voilà, je trouve ma démarche parfois un peu incongrue, donc forcément je me sens obligée de me justifier et je me justifie beaucoup. Mais enfin si ça peut te rassurer, c'est pas forcément ta démarche, c'est que même la réaction des personnes en face quand tu parles. Même dans le milieu pro, c'est ça le pire en plus. C'est quand c'est dans le milieu professionnel que c'est effrayant. Et du coup, alors je sais pas si c'est le moment où tu veux placer ta pirouette, balayette, je sais pas quoi, triple loot piqué. Mais on s'est posé la question et puis on s'est dit, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, on va peut-être poser la question à d'autres gens pour voir si c'est ouais, nous qui avions ces a priori. Ouais, voilà. Et je t'ai dit, mais si tu veux, on peut faire un débat là-dessus, hein, y a pas de souci. J'étais un petit peu charriée en disant, mais tu veux faire un micro-trottoir ou quoi? Enfin, ça serait drôle. Et puis, on est parti sur ce délire-là et on s'est dit, tiens, on va le faire là, quoi. C'est ça. C'est ça. Donc, toi, de ton côté, t'es allé interroger... Des collègues de travail et puis des amis proches qui étaient de passage ou voilà, ouais. Et moi aussi. Alors, chacun avec... avec sa qualité, hein, qui est propre aux moyens qu'on a. Donc moi, j'ai enregistré avec mon téléphone les personnes qui ont bien voulu me répondre, et toi aussi. Et donc on n'a qu'à faire écouter ça pour qu'ils se fassent une image des réponses qu'on a eues. Qu'est-ce que t'en penses? Et puis après, on en discute. Bah oui, écoute parfaitement. Alors, pour le coup, j'aurai deux réponses. La Vas-y. Première qui sera, oui, je pense qu'on peut avoir qu'on peut discuter avec un homme sans arrière-pensée. Après, tout dépend le contexte. Obligatoirement, l'homme, il vient t'accoster, t'es toute seule, il est tout seul. Obligatoirement, il y a une arrière-pensée, il veut quelque chose. Bah, soit la personne, elle me dit, écoute, je te parle juste comme ça. Auquel cas, bon, bah oui, effectivement, on peut avoir une discussion sans arrière-pensée. Ou soit la personne, elle vient m'aborder sans me se justifier. Le gars, il me drague, quoi, il me fait du rentre-dedans. Ouais, d'office, d'accord. D'office. Mais il va être vite remballé dans tous les cas. Bon, bah très bien, merci, t'as répondu à ma question. De rien, de rien. Salut. Salut, Fridge. Ça dépend de la personne qui est en face. Il y en a qui vont y penser, il y en a d'autres, elles vont. Ouais. Ça dépend de la proposition. Ça dépend. C'est propre à chacun. Ça dépend dans le contexte aussi. Oui, sauf si on sait qu'il est célibataire. Forcément, on va y penser. Pour moi, après, peut-être ça se transformera, mais le premier contact, il y a automatiquement un intérêt derrière. La séduction est toujours présente. Ça dépend de ton environnement. Si tu es dans une fête, avec plusieurs amis, il y a d'autres personnes que tu connais pas. Si la personne vient engager la conversation, c'est peut-être aussi tout simplement parce qu'elle a envie de rigoler et puis connaître d'autres personnes. Et là, c'est complètement innocent. D'accord. Et après, si derrière la conversation devient intéressante, là, ça peut se transformer à ce moment-là. Mais dans un premier temps, si quelqu'un te demande de discuter avec, c'est qu'il a un intérêt quelconque. Ou alors vraiment, c'est d'exception qui confirmerait la règle, quoi. Je pense qu'il ne faut pas faire un dessin. Je pense qu'il y a quelque chose derrière, quoi, automatiquement. Ah bah, si tu n'es pas certaine des intentions de la personne, absolument. Il faut se justifier ou alors tout de suite... tourner quelque chose à ton avantage pour dire tout de suite stop. Sinon, l'autre personne va automatiquement penser qu'il y a possibilité, quoi, en deux mots. Penses-tu qu'il soit possible d'engager une discussion avec une femme sans automatiquement penser qu'un jeu de séduction soit présent ? Pas bien sûr. Inconsciemment, il y a forcément un jeu de séduction, plus ou moins poussé, mais vraiment inconsciemment. Je pense qu'il est possible d'engager une discussion avec un homme sans penser automatiquement à un jeu de séduction, car dans la vie de tous les jours, on est obligé de parler de toute façon avec le sexe opposé et qu'il n'y a pas toujours forcément un jeu de séduction. On parle des choses de la vie courante, donc... Alors, en ce qui me concerne, dans le domaine professionnel, je pense qu'il est indispensable de dissocier un jeu de séduction lorsqu'on veut imposer une espèce de hiérarchie entre les sexes. Mais la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi ne serait-il pas possible d'engager une discussion avec une femme sans qu'il y ait forcément un jeu de séduction derrière ? Mais je pense qu'entre un homme et une femme, il y a toujours un jeu de séduction quelque part qui est fait, même si c'est pas avec des arrière-pensées vraiment très poussées. Maintenant... un homme restant un homme, une femme, il est quand même compliqué d'avoir, de pouvoir, je dirais, respecter à chaque fois cette barrière. Et forcément, à terme, un jeu de séduction essaye de s'installer, en tout cas essaye. La vérité n'est pas toujours celle qu'on croit et celle qu'on attend. À partir du moment, de toute façon, on communique, on essaye toujours de faire passer quelque chose, que ce soit par la gestuelle, par la voix. On essaye toujours de séduire un peu, mais sans que vraiment on veuille pousser une relation très à connotation sexuelle. Pourquoi discuter avec une femme différemment que de discuter avec un homme ? Est-ce que le jeu de séduction peut s'opérer aussi avec un homme ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Par contre, quelqu'un qui m'aborde dans la rue pour. Je me poserai quand même des questions et je serai méfiante. Mais ensuite, on peut aussi se dire que la séduction est dans la nature. Donc, est-ce que la communication et l'échange entre deux individus ne passent pas aussi, je dirais pas forcément, mais par une séduction ? En ce qui concerne le cadre privé, je serais un peu plus affirmatif dans mes propos. À savoir qu'à partir du moment où forcément vous rencontrez quelqu'un, vous essayez de charmer. Donc à partir du moment où vous essayez de charmer, vous essayez de séduire. Et séduire, je pense que fait partie de la nature humaine. Ouais, c'est vrai que quelque part, il y a toujours un peu une arrière-pensée, je pense. Non. Qu'on soit dans une relation, on peut être dans une relation commerciale, ça consiste aussi à être dans de la séduction, quelque part. Parce qu'en fait, dans la communication, il y a toujours une certaine reconnaissance. On veut être estimé, on veut être reconnu. Je pense que oui, on peut discuter avec une femme sans que forcément il y ait un jeu de séduction. C'est pas obligatoire comme... Je pense qu'au départ, la séduction n'est pas automatiquement présente. Mais si la personne a des potentialités de... potentiel de te... de t'attirer ou de te plaire, peut-être que tu vas essayer de jouer ce jeu de la séduction. Mais c'est pas le but de départ, en fait, je pense. Dans la rue, oui, si je vais chez le boulanger, je lui demande une baguette, je vais pas me dire, oh putain, il va me séduire. De toute manière, quand on commence à parler avec quelqu'un, surtout si c'est un inconnu, je veux dire, on est dans un magasin, tu parles avec quelqu'un, mais je pense qu'on veut quand même toujours donner une bonne image, donc on est toujours un peu dans la séduction, mais pas dans l'arrière-pensée absolument de vouloir dire, je veux draguer la personne. Maintenant, c'est une personne qui potentiellement peut t'attirer, peut te plaire. Je pense que tu vas essayer, toi, de rentrer dans un jeu de séduction. C'est vrai qu'il y a une possibilité qu'elle soit là pour, par rapport à la séduction, quoi. Parce que c'est rare d'accoster une personne bêtement en demandant comment tu vas ou qu'est-ce que tu fais sans arrière-pensée. Vraiment, s'il y a une évidence de me demander l'heure ou une bêtise de ce style-là, là, pas forcément. Ça peut être une simple question qu'elle aurait pu poser à moi, comme la vieille dame qu'elle croisait, ça met plus loin, quoi. Ça dépend. Ça dépend de la personne, ça dépend de la situation, en fait. Ça dépend comment toi tu vas voir la personne. Puisque maintenant, si c'est une personne qui ne te plaît pas, tu vas pas essayer de la séduire. À la limite, tu vas essayer de la fuir, peut-être. Il m'est déjà arrivé de parler à des personnes du sexe opposé sans me dire ouais, il y a peut-être moyen de conclure ou sur un malentendu. Ça va peut-être marcher, quoi, tu vois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu vas dans un magasin qu'il y a un homme qui est dans une caisse ou quoi, il va pas te dire bonjour, ça fera 35,50 €. Et il m'est arrivé, toi, cette semaine, deux fois, de parler avec des gens justement pour le pain. Après, c'est vrai que la manière dont la conversation va se développer, et si la personne t'attire quelque part, je pense que tu vas peut-être vouloir essayer d'aller un peu plus loin et de sentir la réciprocité de la chose. Après, si tu sens qu'il n'y a pas de réciprocité de la chose, je pense que tu vas rester en arrière et tu vas avoir une discussion sans arrière-pensée au final. Puis on a engagé la conversation. Et après, je me suis dit, est-ce que maintenant le monsieur pense que je voulais le séduire? Parce que c'est moi qui ai quand même engagé la discussion. Mais en fait, la discussion s'est faite tout à fait naturellement et sans arrière-pensée, quoi. Mais toujours en étant un peu... On veut toujours un peu de reconnaissance et dire, ben voilà, je suis sympathique. C'est pas toujours dans la beauté non plus, hein. Il y a aussi la sympathie, l'empathie envers les gens. Je pense... Enfin, ce qui m'est déjà arrivé, c'est... moi, je n'avais pas d'arrière-pensée. La fille n'avait pas d'arrière-pensée. Donc, c'était des discussions totalement normales de personne à personne. Là, je parle d'une amie, hein. Mais ce sont les gens autour qui ont interprété des choses et qui eux-mêmes ont créé cette arrière-pensée alors qu'il n'y avait rien, tu vois. À l'hôpital l'autre jour aussi, je parlais avec un monsieur qui attendait son tour. Et après, bon, j'ai compris qu'effectivement, il était célibataire dans la discussion quand on parlait d'alimentation et des choses comme ça. Il dit oui, quand on est seul, on veut pas trop cuisiner. Et après, j'ai dit oui, pour mon mari aussi, je devrais quand même cuisiner plus de légumes. J'étais là. Donc, je me dis pas que maintenant, il interprète mal le fait que je pars. On a un peu peur, c'est vrai. C'est la société qui va définir ça. La société, elle a mauvaise haleine. Voilà, donc j'ai pas eu d'arrière-pensée quand j'ai discuté avec lui. Peut-être que lui, il en a eu, j'en sais rien. C'est comme si maintenant tu discutais avec un mec et que forcément, enfin, avec un de tes potes et que forcément t'as les autres autour qui disent ouais, je suis sûr qu'il y a quelque chose entre eux, quoi. C'est exactement pareil, quoi. Enfin, quand tu discutes avec une pote ou avec un pote, c'est pareil, quelque part. Y a pas forcément d'arrière-pensée. Voilà pour ce petit extrait. Merci. Donc, en fait, finalement, les réponses que j'ai eues sont quand même, grosso modo, les mêmes que les tiennes. Bah oui, c'est ça. Et ce qui était rigolo, en fait, c'est que quand tu commences à poser la question à la personne, elle te dit direct, bah bien sûr que oui, on peut avoir une conversation, hein. Et puis, au fur et à mesure qu'elle parle, la vie, c'est pas que la vie change, mais ils te disent au fur et à mesure, ouais, ben en fait, peut-être que ben ça dépend de la situation, ça dépend, faut voir et tout. Et ils révisent pas forcément leur opinion, mais ils émettent un peut-être. Et ils s'auto-analysent, en fait, j'ai l'impression. Ils se rendent compte, en fait, en se rappelant des cas qui leur sont arrivés, qu'en peut-être. Fait, à chaque fois que ça leur arrive, il y a une levée de bouclier. Ouais, peut-être. Je pense que c'est ça, parce que... C'était intéressant, enfin... Ah oui. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Hormis le sujet, en fait, si t'enlèves le sujet, j'ai trouvé ça super intéressant d'aller questionner quelqu'un comme ça. Ah, mais moi, je suis prêt à le refaire pour plein d'autres trucs, parce que c'est vrai que c'est super intéressant d'entendre les réactions des gens. Voilà, et humainement, juste pour la partie humaine, hein, je te parle relation humaine, en occultant complètement le sujet. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu vas interroger la personne seule à seule, déjà, elle te répond, un petit peu intimidée au départ, mais voilà, elle va te donner sa réponse, t'es en face à face, il y a comme un échange qui dit, voilà, je fais l'effort de te poser une question, et elle va faire l'effort de te répondre, t'explique que c'est bon, c'est anonyme aussi, que enfin, voilà, hein, faut bien leur expliquer ça. Et en fait, moi j'ai tenté la discussion de groupe. Donc j'ai amené la conversation dimanche soir, j'ai les copains qui arrivent à la maison, et puis bon ben on commence, on sort à l'apéro quoi. Et je me dis attends, je vais leur demander quoi. Ça tombe bien, il y a du monde. J'ai pas encore d'avis de personnes masculines, donc je vais en profiter puisque j'ai déjà interrogé les copines. Et en fait, la réaction des gens en groupe est beaucoup plus réfractaire qu'en seul à seul, quoi. Je trouve que c'est beaucoup plus facile d'amener quelqu'un à faire quelque chose quand il est seul que quand ils sont en groupe. En groupe, c'est plus... Oui, parce qu'ils vont se baser sur la réponse de l'autre, toujours. Alors que seul à seul, ils vont développer... Et qu'ils vont oser te dire non. Ils vont oser te dire non, je veux pas répondre, parce que l'autre à côté va valider en disant aussi « Ouais, ok, elle nous fait chier celle-là, donc on est deux, trois contre elle, donc c'est bon, range ton truc, c'est bon, on n'a pas envie. » Donc ça s'est passé comme ça, donc vous ne les entendrez pas, vous n'entendrez pas leur avis, puisqu'ils n'ont pas voulu répondre. Au bout d'un moment, je pense que je les ai saoulés. Et en fait, si tu veux, quand j'ai lancé la question, tout le monde est parti sur son avis, sur un avis et tout. Alors c'était divergent, hein. Il y avait celui qui disait non, et puis au bout d'un moment qui fait ouais, peut-être que oui, peut-être que, enfin voilà. Et puis t'as l'autre qui font bien sûr que oui, tu penses forcément à ça, un mec ne pense qu'à ça. Bon, d'accord, ok. Ma foi, c'est ton opinion, je te laisse développer. Ouais, je suis d'accord, c'est son opinion, je le laisse développer, mais pas la mienne. Du coup j'ai fait ouais, ben c'est super, ça fait un quart d'heure qu'on en parle, ok, maintenant... Ben, vous pouvez me donner chacun votre opinion clairement en faisant une belle phrase formulée et puis j'enregistre ça quoi. Et là, t'as le blanc, tout le monde se bloque et font non, hors de question. Et c'est bon, ça change rien. Vous venez déjà de l'exprimer, donc voilà. Donc ça s'est arrêté là. Donc moi je n'ai pas de, vous avez pas entendu d'extrait. D'hommes, parce qu'en fait, ils ont fait un petit peu, je pense, les couillons, quoi. Et surtout, le fait d'être en groupe, fait qu'ils osent te dire non. Je suis quasiment certaine que si je les avais pris un par un, ça aurait fonctionné différemment. Donc, voilà. J'ai trouvé l'expérience extrêmement intéressante. Déjà, rien que pour ça, quoi. Et puis la question était intéressante aussi, finalement. Oui, bien sûr. Et voilà. Ce que j'aime bien, c'est que la première réponse est... Tu sais, c'est le politiquement correct, c'est ce que le bon sens voudrait que tu répondes. Mmh. Et puis après, tu t'oublies qu'il y a le micro, et voilà. Et je veux dire, pour certains, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, bon, bah, on arrête ici, vous avez répondu. Et la personne a naturellement enchaîné. Et donc, j'ai appuyé de nouveau sur enregistrer. Mmh. Et à la fin, je lui ai dit, écoute, j'ai enregistré ce que t'as dit, est-ce que tu veux bien que je fasse un petit montage et que je le diffuse. Elle m'a dit oui, t'as raison, en fait t'as bien fait de, enfin il y en a une des personnes qui m'a dit t'as bien fait d'arrêter, enfin de me faire croire que t'arrêtais d'enregistrer, parce que du coup je pensais que discuter avec toi et j'avais pas cet a priori de micro et donc de bien séance à respecter et de, tu vois, d'un comportement peut-être genre de soin parfait, ou et qui du coup pensait que discuter avec moi, et au final non. Et est plus satisfaite de sa réponse libre que de la réponse qu'elle pensait enregistrer, tu vois. Ouais, c'est clair. En fait, la personne était pas en train de dire ce que toi tu aurais eu, ouais, pas forcément envie d'entendre, mais ce qui aurait été normal d'entendre. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, d'accord. Et c'est dommage parce que la première personne, je l'ai loupée complètement, parce que elle me dit un truc, je dis. Ok, est-ce que tu peux me faire une synthèse? Donc la synthèse, elle me l'a fait, et c'est à ce moment-là que j'ai enregistré. C'était bien, très bien, on l'entend d'ailleurs dedans, je dirais pas qui c'est pour pas, voilà. Et quand j'ai coupé, malheureusement, j'ai tout de suite fermé le PC. En fait, j'ai, tu rabats le poste, quoi. Et là, elle a continué à discuter. Et du coup, je pouvais plus faire le, enfin, je pouvais pas faire le coup du discret. Je t'enregistre quand même, tu vois. Et lui dire après, ben, je t'enregistre, ce que tu veux bien. Et j'ai raté une grosse partie du débat super intéressant. Mais bon, bon, là, ça va. Pour moi, j'ai déjà, enfin, de mon côté, j'ai déjà 9 minutes. Je pense qu'on a déjà ce qu'il faut, quoi. Finalement, j'ai trouvé l'expérience intéressante. Ouais, ouais, carrément. Même si là, on est complètement en train de dévier et qu'on parle plus de podcast, c'est pas grave. On s'en fout. Enfin, en tout cas, moi, je m'en fous. C'est hors série, on va dire que t'as le droit. Non, puis les gens savent que de toute manière, je vais forcément parler d'autre chose. Et voilà, donc ça explique aussi mon besoin de me justifier tout le temps. Comme moi, ça explique le questionnement que j'ai à chaque fois, c'est pourquoi, dès que je discute, vous pensez que je vais vous draguer, quoi. Tu vois, c'est... enfin, c'est marrant de voir. Et inversement, et ouais. Non, mais ouais, mais non, je pense pas du tout ça. Je pense qu'est-ce qu'il va penser. Bah c'est oui, ça, en fait. Ça, ouais. Bon, quel drôle de sujet entre nous, n'est-ce pas? Bah oui, non, mais enfin, moi, je trouve que c'est intéressant parce que du coup, ça m'a apporté des réponses aux questions que je me posais, mais que j'ai pas du tout l'idée de poser directement à des collègues. Et peut-être par ce faux motif, j'ai réussi à avoir des réponses, quoi. Tu vois, non, mais ouais, un truc tout bête, tu le gardes ou tu le gardes pas, mais du coup, j'ai dit à une collègue, je dis, tu vois, enfin, elle me dit, mais c'est pour ça que t'étais froid et distant, quoi, au début, quand on s'est connu. Je dis, bah ouais, comme ça, tu crois pas que je veux te draguer, tu vois. Et le côté inaccessible de la personne se traduisait par cette peur de penser que l'autre pense que, tiens, t'es nouvelle, je vais te draguer, tu vois. Parce que j'en ai rien à foutre, je suis au boulot, je suis pas là pour draguer. Et... tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu sais quand même que je sais plus c'est combien de pourcents de personnes qui se rencontrent au travail, quoi. Ah oui, sûrement, mais donc ça veut pas dire que le milieu professionnel règle le problème, hein. Non, c'est sûr. C'est pas parce qu'on est collègue ou qu'il y a un rapport de hiérarchie que ça va enfin c'est pas un problème que ça va empêcher le truc. Ouais, enfin, je trouve ça abusif une réaction de protection juste quand tu discutes avec quelqu'un, quoi. Je veux dire, si encore tu lui dis ouvertement, t'es célibataire, qu'est-ce que tu fais de ta vie, est-ce que tu veux pas qu'on fasse connaissance? Là, je veux bien qu'elle me dise, attends, t'emballes pas, j'ai quelqu'un, machin. Mais quand tu discutes de tout et n'importe quoi. Non, mais pourquoi être fin? Quelqu'un t'intéresse, pourquoi être fin? Tu peux tout de suite le dire, bah écoute, est-ce que t'es célibataire? Voilà. Je veux dire, ça sert à quoi de tourner autour du pot, quoi, pour te... Non, c'est ridicule. Et du coup, le lever de bouclier, c'est chiant en fait, parce que du coup, toi, t'as pas l'intention du tout. Enfin, tu discutes pour faire connaissance avec la personne, parce que comme c'est une nouvelle personne sur ton lieu professionnel, bah forcément, tu vas passer du temps avec et tu vas être amené à parler avec. Et puis, tu veux connaître un minimum la personne. Puis même pas dans le pro, je veux dire. Après, j'ai un avis partagé parce que je suis comme. Comme celle qu'on a entendue, quoi. On a, ouais, je suis d'accord, en fait. Je suis d'accord avec toi dans le sens où, peut-être que, ouais, on a une mauvaise image de, des hommes en général, quoi. Mais après, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas un reste, d'une primalité? Alors, ça va être très, très brut, hein. Je le dis honnêtement, mais est-ce que c'est pas reste de notre primalité? Parce que, on le sait, au niveau animal, le mâle doit répandre sa génétique le plus maximum possible, enfin, un peu partout, quoi. Et la femelle doit sélectionner la génétique qui est la plus apte à pouvoir perpétuer l'espèce. Donc, est-ce que c'est pas un reste? Un reste qui vient d'un autre social, quoi, qui, tu vois? Mais parce que, quand tu vois une personne, quand tu rencontres une personne pour la première fois, tu te dis, est-ce que potentiellement cette personne pourrait être... je suis en train de chercher en même temps que je parle, donc c'est pour ça que je bafouille, mais... Je sais pas. Ouais, c'est. Je pense. Alors, je te rejoins sur l'idée que je pense que instinctivement, t'analyses la personne que t'abordes pour la première fois. T'as comme une espèce de diagnostic qui se fait. Est-ce que cette personne est potentiellement ou pas. Est-ce qu'elle peut coller avec toi, quoi? Bah, j'en sais rien, c'est... Ouais, c'est, mais tu peux coller avec ça, une quoi, personne mais... sur le plan discussion sociale de ce que tu veux, sans forcément penser que, bah, il veut se reproduire avec moi, parce qu'au final, si on revient... non, mais si on revient sur le terme animal, c'est ça, quoi. C'est, il veut partager sa génétique, quoi. C'est, vulgairement, c'est ça, quoi. Je suis désolé, on y remonte, mais, enfin, que quelqu'un qui me dise le contraire et... Je pense que c'est le côté primal qui ressort dans ces cas-là. C'est pour ça que c'est instinctif, tu le vois bien. Même les gens qui ont dit non, on peut très bien avoir une conversation, nanana, machin, on finit dans leur développement à dire, ouais, mais si, ça se peut que ça soit le cas, et... Ah bah oui, tu vois, quand j'ai commencé à parler avec le monsieur, bah, j'ai tout de suite dit mon mari dedans pour... Parce que j'avais peur que... Tu vois, c'est tout ouais, le temps, quoi. Je la rejoins complètement. C'est dans le développement, il y a toujours... complètement pour... Ouais, c'est clair. Et il y a forcément un moment où... ouf, tu dis, ouais, c'est bon, ça, je l'ai casé, c'est fait. Ouais, c'est ça. Mais bien sûr que c'est ça. Et moi, de l'autre côté, quand j'entends ça, ça me donne envie de dire, bon, ok, c'est, tais-toi. J'ai entendu ton vieux message. Ta gueule, là, c'est bon. Non, mais c'est ça, quoi. J'ai entendu ton vieux message, c'est pas du tout ce que j'essaie en train de te dire. Et toi, tu me balances ça comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? C'est bon, faut arrêter, quoi. J'ai pas envie de te renifler le fion, faut arrêter, je suis pas un clébard. Je peux discuter, normal, j'ai passé une étape dans l'évolution de ma génétique. Je peux mettre une case de côté et dire, non, tu es une femelle, je ne veux pas me reproduire avec toi. Je suis capable. Même si je ne suis qu'un homme et que je ne fonctionne qu'aux hormones comme n'importe quel homme de cette planète, qu'au printemps, bah, t'auras forcément envie d'aller chercher de la femelle. Mais non, le côté social peut prendre le dessus, et enfin, je veux dire, le savoir-vivre, tout ce que nos parents nous ont inculqué, éduqué, tout ce que tu veux. Enfin, je veux dire, merde, si on parle de SVT, ben, le cerveau primal, il est à l'intérieur du cortex cérébral, quoi. Je veux dire, il est en dessous, quoi. Il y a une partie au-dessus, une partie plus intelligente au-dessus, quoi. C'est très coup de gueule engagé, ce que je viens de dire. Ouais, j'ai l'impression de me faire engueuler. Mais non, mais tu prends ça pour toi, je disais pas ça pour toi. Après, t'en fais partie, donc tu te mets dans le lot aussi, mais voilà. Ah oui. Non, mais voilà, quoi, c'est... Bah, et t'as amené le débat, t'as une réponse au débat, hein, c'est... Ouais, c'est vrai. C'est de ma faute. Donc voilà, sache que tous les chiens ne veulent pas te sentir le trou de balle. Voilà. Maintenant que toi qui as les images, hein, c'est génial. Oh putain. Ouais. Ça fait penser au film Didier, je sais, le mais film oui. est fin nul, mais bien sûr. Ah non, il on est ne excellent. Sent non, pas le cul. Il est pas on ne fin sent nul. Pas le cul. Ouais, voilà. C'est un film épique, ça. C'est un film de référence. Didier. Mais peut-être que j'ai pas rencontré des personnes qui m'ont répondu ce que tu m'as répondu aussi. Parce que toi, tu dis ça pour toi, mais peut-être que c'est pas une majorité, quoi. Bah, j'aurais envie de dire, à la limite, je suis bien content. Ça me laisse plus de chance pour moi de me faire des contacts sans qu'on pense que je veux leur renifler le trou de balle. Mais, non, mais c'est chiant aussi de plein d'autres côtés. Je veux dire, c'est dès que tu parles à quelqu'un, si t'as un ami de bouclier, franchement, c'est chiant. T'as plus envie de discuter avec les gens là. Enfin, parce que je suis aigri, ça augmente cette sensation. Mais quelqu'un qui glisse subrepticement, hop, j'ai un copain, j'ai un machin. Allez, c'est bon, ta gueule, dégage. Voilà. Si déjà t'es dans l'optique de vouloir me remballer avec un truc dont j'en ai strictement rien à foutre, surtout que ça concerne ta vie, j'en ai rien à foutre, je voulais te parler de ça, dégage. Fous-moi la paix, pars loin, cours. Tu vois. C'est un peu comme ça que je le ressens, quoi. Quand c'est fait de manière bourrin, alors toi, tu l'as bien fait, heureusement. Parce que sinon, je te renvoie chier. Mais quand c'est fait proprement, ça passe, quoi. J'ai quand même un peu l'impression de me faire engueuler. Non, mais tu prends ça pour toi. Mais c'est pas pour toi qu'il faut le prendre. C'est la réponse au débat, ouais. C'est le cas général. C'est un ras-le-bol aussi de mon côté, quoi. Si tu veux, ça m'est déjà arrivé de dire à un mec avec qui j'avais envie de discuter, bah tiens, rejoins-nous, on va boire un coup. C'est très très spécial de se dire ce soir. Et je vais boire un coup avec un mec parce que ce mec je le trouve passionnant et j'ai envie de discuter avec lui, quoi. Mais c'est ouais, c'est super spécial. Déjà, je vais dire chapeau parce que mon mari, il est hyper cool. Ah bah oui. Parce qu'il y en a beaucoup qui hallucineraient juste de voir aussi bien ce que je fais que ce que lui fait, et en tout respect de l'autre, et sans vraiment, bah du coup sans arrière-pensée. Il sait très bien que ce que je fais, c'est... On sort chacun de notre côté aussi souvent, et je pense que ça aussi c'est une belle bulle d'air dans un couple, mais bon après ça, on n'est pas là pour parler de ça. Et le jour là justement où j'ai passé une soirée super bien en plus avec ce mec, pour rien, on a juste discuté. J'avais ma collègue de travail qui me disait « Tiens, tu sors, on est samedi, machin. Ouais, je vais rencontrer quelqu'un qui est super intéressant et tout. » Et elle a juste halluciné, quoi. Elle me dit « Tu déconnes, là. » Elle fait partie du même lot, quoi. Mais vers son femme. Ouais. Mais je lui dis « Mais qu'est-ce qui te choque là-dedans ? Enfin, qu'est-ce que... Moi, je suis clean, je le sais, je suis claire, quoi. » Et elle me dit « Mais le mec... » Bah, et là, tu peux pas répondre autre chose que j'espère que c'est la même chose, mais je peux pas te le garantir. Et si c'est pas le cas, je vais lui expliquer quoi. C'est je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, si, je vois. Mais du coup, on a eu un super débat d'ailleurs avec ma collègue et voilà et elle me dit des choses comme. Je conçois même pas de pouvoir faire ça. C'est même pas concevable. Mais en même temps, enfin, je sais pas si tout est clair. Bah ouais, je vois pas ce qui gêne, mais. Ouais, mais non. Ça se fait. C'est. Ouais. Bon, bref, c'est très spécial, quoi. La meilleure réponse à donner, c'est ouais, mais il est gay. Ah oui, c'est pas mal. Ah ouais, bon bah mais... c'est bon. Ah ouais, et là d'un coup tout s'inverse et c'est plus un problème. Mais c'est avec toi que j'ai discuté de ça ou c'est mon pote qui m'a dit t'aurais dû dire à ta collègue que t'étais gay pour être tranquille. Alors c'est avec ton pote que tu as discuté de ça, ça c'est sûr. Ah. Mais par contre moi j'ai coupé forcément les morceaux qui étaient pas très intéressants ou qui bafouillaient machin et tout. Et il y en a une dans les réponses qui m'a dit au bout d'un moment, on fait mais la meilleure façon c'est dans la discussion de placer que t'aimes les femmes quoi. Bah ouais. Et t'es tranquille et c'est réglé. C'est pas con, mais c'est pas con quoi. Et j'y ai pas pensé. Bon, alors la prochaine fois que je discute, je ne dis plus je suis mariée, je dis j'aime les femmes. Ouais, ça sera plus simple. Bon, ça fera toujours la levée de bouclier, mais ça fera peut-être mieux. Ouais, c'est varié, c'est pour varier un petit peu. Voilà. Ouais, ça peut être pas mal. Je retiens ça pour la prochaine personne du sexe opposé avec qui j'ai envie de discuter sans qu'elle pense que je veux renifler son trou de balle. Tu lui expliques que tu renifles que les trous de balle de l'homme. C'est ça. Puis je repars sur l'analogie du chien. Oh, j'étais mignon. Voilà. C'était pour la petite note. Ouais. Bon, en tout cas, voilà pour ce débat. Moi, je serais curieux de voir s'il y a des retours dans les gens qui nous écoutent. Ce serait cool, ça. Je pense qu'ils doivent avoir un avis. Ouais. Forcément. Et tout le monde a forcément un avis. De toute manière, quand on entend un débat, on a forcément un avis. On s'en fait un. Et puis, si ça saoule, ils zappent. Mais tu sais quoi? Il faudrait en fait envoyer le mix de ton sondage et le mix de mon sondage sur l'avis des moutons. Parce que là, ouais, il y aurait des réponses. Non, je sais pas, ce serait drôle. Non, peut-être pas. Non. Peut-être, mais alors ça voudrait dire qu'on l'entend à deux endroits. Bon, c'est pas très grave ça. Le podcast, il n'y a pas de droit d'auteur. Donc... Ah ben. Ou alors on fait une autre question. Et là, du coup, on le garde pour la vie des moutons. Oui, c'est faisable aussi. Ça peut être marrant. Mais j'arrête pas de me rajouter des trucs à faire là. Non. Faut que j'arrête. La to-do list dépasse ton écran. Ce n'est pas normal. Oh putain, ouais. En ce moment, c'est vraiment chaud quoi. Bah, t'as qu'à allumer la clim. Ah tiens, il faudrait que Barbe Rousse là il nous fasse passer son corbeau. J'en ai aussi un si tu veux. tu vas pas t'auto-troller quand même. Wow. Ah si, tu m'as dit que tu pouvais. Oui, c'est ça. Je veux dire, ça va au niveau auto-trollage. Ouais. Puis après, bon bah voilà. C'était un sujet intéressant auquel il n'y a pas de réponse. Bah, pour moi, il n'y a pas vraiment de réponse. Comme il y en a beaucoup qui ont dit, ça dépend de la situation, ça dépend des gens, ça dépend de plein de choses. Donc, ouais. Donc, oui, non, ça dépend. Voilà. Il n'y a pas de réponse à ça. Mais, ouais, je pense qu'on a bien fait de soulever la question. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Histoire de discuter d'autre chose que de podcast aussi. Oui, aussi, aussi. Et puis, de tester. Ouais, tester, c'est cool. C'est exactement la même le même genre de questionnement que pensez-vous que il est possible d'avoir une amitié homme-femme. Oui, c'est ça, mais c'est formulé autrement, c'est enfin quoi que là ça. Non mais je veux dire c'est dans un peu dans la suite logique parce que ouais. Là on parlait du premier contact, mais quand tu continues dans le temps, après il arrive le moment où tu te poses la question est-ce que c'est possible quoi? Est-ce que c'est possible qu'une amitié homme-femme perdure dans le temps ou est-ce que forcément ça se transforme en quelque chose d'autre ou ça s'arrête ou ça voilà. Mais tu sais que j'ai une des personnes à qui j'ai posé la première question qui a enchaîné là-dessus après. Bah ouais, c'est pour ça que je dis ça parce que ça fait penser un peu à ça quoi. Et ouais, il y en a d'ailleurs, c'est leur technique d'approche. Perso, si je peux donner un conseil, c'est pas la bonne. Hein. Mais bon. La technique d'approche, c'est-à-dire de faire d'abord connaissance comme ça, genre ouais, on est potes. Ouais, de devenir copain. C'est nul. Ça. Non, ah bah non, c'est nul. Parce qu'après, ah non, foireux, je peux pas, quoi. T'es mon meilleur ami. Ouais, c'est ça, ta gueule. Hein. Cœur qui pèse. Pardon. Hop. Et c'est bon, tu peux dire ce que tu veux. Hein. Mais ouais. Ouais, c'est la suite logique. La deuxième question est la suite logique de celle qu'on a soulevée, quoi. Écoute, qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on va conclure sur ce débat. Bah oui. C'était très intéressant pour moi en tout cas. Ah pour moi aussi. S'il y a des personnes qui veulent nous donner leur avis, elles peuvent. On te retrouve où? Comment sur Twitter, par exemple? Ouais. Bah voilà, sur Twitter. Putain, Gamecraft. Tiens, ouais. Je précise quand même, c'est pas comme son nom l'indique, ça parle pas de jeu ou. Extrêmement peu de jeux et encore pas de craft non plus. Hein, c'est parce qu'on vient du jeu à la base, mais on a complètement muté il y a quelques temps, il y a près d'un, plus d'un an maintenant. Et on parle de tech, de fun, de voilà, machin. Mm-hmm. Donc voilà, comme son nom l'indique pas, je préfère le préciser parce que du coup, depuis qu'on le précise, on a un peu plus de gens de nouveaux qui arrivent. D'accord. Donc voilà, c'est intéressant de le préciser au cas où. On fait pas de jeux vidéo, messieurs. Voilà. Ou mesdames. Mais c'est vrai que c'est tellement rare. D'ailleurs, coucou à parcimonie, du coup. C'est rare. Mais c'est moi j'ai écouté Game j'ai écouté ah oh, je vais y arriver putain tu vas la sortir ta phrase j'ai écouté Café Clatch parce que je suis allée l'écouter et je suis pas allée écouter Gamecraft comme ça c'est elle qui m'a dit mais si va écouter tu feras c'est bien je me suis dit ça y est elle a pété un câble qu'est-ce qu'elle veut. Si t'écoutes, je vais quand même aller faire un tour, quoi. Je vais pas mourir bête. Voilà. Parce que c'est qu'il faut supporter les deux heures. C'est deux Imagine. Heures jusqu'à deux heures et demie, des fois. Faut supporter deux heures et demie de podcast, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est pas... Enfin, ça, c'est pas trop... C'est pas un problème, quoi. Bon, après, moi, je j'écoute pas de live, quoi. Techniquement, je suis pas disponible quand ça commence. Mais voilà. Et j'avais envie d'avoir un petit bouton quand j'ai commencé à écouter Gamecraft. Je voulais un petit bouton pour dire « Ouais, je veux donner mon avis, moi !» Ah bah oui, mais l'avis, c'est le jeudi à 21h en live, quoi. C'est pour ça qu'on le fait. Il y en a peu qui ouais, font... Ouais, enfin, il y a peu de podcasts qui font des lives comme ça en même temps, tout simplement. Mais donc voilà, on fait ce qu'on aime et puis on essaye de le partager, en tout cas. Non, bah, vous le faites bien. Merci. Donc, on te retrouve là-bas, ok. Puis sur SoundCloud. Et... SoundCloud, la musique. Parce que bientôt, ouais. Il y en aura plein vos oreilles de nos musiques. J'adore ta musique. Quelle adresse, le chèque? Je me souviens plus. Bientôt non, encore, non, bientôt. Vraiment, j'ai bien aimé. Je conseille à ceux qui nous écoutent, s'ils veulent aller faire un tour, d'aller écouter ta musique. J'aime bien. Sur SoundCloud, c'est Kenton57, tout simplement. Et puis moi, ben, je dirais comme d'habitude, si vous avez un commentaire à me faire ou quoi que ce soit, Eh bien, vous me retrouvez sur Twitter à @kikrine. Et puis, je pense qu'on va clôturer ce podcast, cette hors-série, là, maintenant, c'est bien. Ouais. Moi, je voudrais quand même te souhaiter un bon courage. Et parce qu'en plus, là, elle l'a pas dit, on est passé à 8h25 d'enregistrement. Hein. C'est comme elle a coupé beaucoup. Alors, on est à... Là, ça a d'ailleurs recoupé, on est à 12h14 d'enregistrement. Elle l'a pas dit, mais... Ouais, on a fait une pause pour manger et puis aller pisser quand même. Hein. C'est ça. Hein? 12 heures. On a réussi à faire un podcast de 12 heures, Kenton. Ça serait bien. Hein. Enfin, bref. Ouais, bref, comme tu dis. On dit au revoir à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Ah qui oui, ont supporté. Voilà. Qui ont supporté les 12 heures d'enregistrement. Puis n'hésitez pas à venir donner votre avis sur le jeu de séduction, tout ça. Soutenez-moi. Dites-moi que je suis pas tout seul dans mon cœur. Bref. Eh ouais, parce qu'en plus, là, on est l'un contre l'autre. Bah je, oui, c'est je ne suis pas d'accord avec toi et... Fight! Ouais. Bon. Alors, je vais te... Tu vas me dire ce que tu aimerais que je mette comme musique de fin. Ok. Je te laisse carte blanche et puis les gens, ils auront la surprise. C'est nickel. Je te dis merci tout plein d'être venu. Bah, merci à toi de m'avoir invité. Et j'ai vraiment bien aimé notre échange. Bah pareil. On se dit à une prochaine. Bah oui, carrément. Je dis aussi à bientôt à ceux qui nous ont écoutés. Et puis, bye bye alors. À plus, bye bye. Dans ce foutu miroir, ce que je vois ne me plaît pas. Peur de la mort, le désespoir, vous laissez des traces. J'étais formé pour résister à tous les malheurs de la vie, mais c'est à force d'accumuler que ce jour-là j'ai pleuré. Je vends mon âme à qui la veut. Je ne souhaite plus vivre vieux. Éviter enfin tous ces horribles regards. Partir pour ce monde à part. Yeah. J'essaierai de résister, j'essaierai de ne pas signer ce pacte avec le diable. Je promets pas d'y arriver. J'essaierai de résister, j'essaierai de ne pas signer ce pacte avec le diable. À quitter terre, va-t-il me rejoindre? C'est impossible, je suis en enfer. Et lui de sa belle vie est parti pour le paradis. Je vends mon âme à qui la veut. Je ne souhaite plus vivre vieux. Éviter enfin tous ces horribles regards. Partir pour ce monde à part. Yeah. On va arrêter de dévier et on va reprendre les trucs c'est toi qui vois, comme moi, il faut, suis. D'accord ? Moi, je te suis. T'es gentil. C'est... Et patient. aussi, je trouve. Félicitations. On discute, quoi. Bah voilà. On va dire que j'aime beaucoup, par exemple, la chaîne Y Penser de Bruce Benhamran. Je sais pas si ça te parle. Oui, oui, oui. D'accord. Parce que justement, il est fascinant et que tout le monde a envie de lui parler. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on était à la Neocast, tu sais, cette convention où on a pu les rencontrer et dont lui, je voulais absolument moi le rencontrer pour lui poser une petite question scientifique dont je n'avais pas la réponse et qu'il a su me donner, donc j'étais vraiment content. Ah, et c'était quoi alors la question? T'es sûr que tu veux vraiment que je te la pose? Bah, j'en sais rien. Bah oui, oui, oui, bien sûr, tu peux pas me dire ça et pas me la poser, mais je suis curieuse, vas-y. Bah moi, je serais curieux aussi de voir ce que Podcast Science répondrait, alors je vais te la poser. Il y a un petit préambule quand même pour expliquer. Si on prend une lentille gravitationnelle, est-ce que tu vois ce que c'est qu'une lentille gravitationnelle? J'ai envie de te dire oui pour pas que tu m'expliques. D'accord, en fait, c'est... Et je te dirai non parce que je vais pas faire semblant. Alors, je vais expliquer, mais vite fait, parce que sinon, on va perdre tes auditeurs. Parce que mais c'est un écoute, peu si chelou, ça mais... te passionne... Si ah, bah ça moi, passionne, ça me passionne, ouais. Bah vas-y, alors je t'écoute. Bah en fait, prenons l'exemple d'un trou noir. Le trou noir, ça a une gravité qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer, nous, avec nos petits esprits terriens. Et ça a une telle gravité que ça attire même la lumière et toute la matière. Donc c'est-à-dire que passé un certain endroit de ce trou noir, plus rien n'en sort. Et il se trouve que d'accord. Einstein, notre cher ami Albert Einstein, a émis une théorie qui s'est vérifiée il y a quelques années maintenant, mais pas de son vivant malheureusement. Une théorie de l'antigravitationnelle, c'est-à-dire que en périphérie de ce trou noir, la force d'attraction ou plutôt la déformation de l'espace-temps est tellement forte que même la lumière est déviée. Ça, c'est un fait, mais surtout qu'elle peut être très déviée. Et ce qui fait que on pourrait regarder en direction d'un trou noir et voir ce qui s'y passe derrière. Parce que tout simplement, la lumière qui est mise sur les bords du trou noir sont un peu comme une lentille que tu mets dans tes yeux, une lentille de lunettes, un verre de lunettes. La lumière est déviée et revient à un point central. Et moi, ma question, c'était, vu que cette lentille gravitationnelle dévie la lumière, est-ce qu'il serait possible avec des outils que nous n'avons pas maintenant encore, mais de regarder sur la périphérie de ce trou noir proche de l'horizon des événements, et du coup avec toute cette rotation qu'effectue la lumière, est-ce qu'on pourrait éventuellement voir la Terre, mais il y a des millions d'années auparavant, puisque la lumière de la Terre a été émise, va dans l'espace, ça met un certain temps, donc on pourrait théoriquement voir l'état de la Terre il y a, des millions d'années. Il m'a confirmé que théoriquement c'est faisable, mais que physiquement ce serait ultra complexe, parce que déjà il y aurait très peu de rayons de lumière qu'on pourrait capter directement chez nous, et qu'en plus il faudrait savoir exactement où était la Terre ces millions d'années avant. D'accord. Tu vois, pour faire plus simple que ce qu'il m'a expliqué, parce que c'était un peu plus complexe que ça, mais un peu... Voilà, en résumé, c'est ça. C'est que c'est possible, théoriquement, la théorie le permet, mais la pratique c'est une autre chose, quoi. C'est un peu le coup de regarder un objet très très très très très loin. T'as beau prendre, je parle vraiment de très loin, t'as beau prendre un beau télescope, t'auras pas un max de détails parce que t'auras plus autant de lumière, donc d'informations visuelles qui arrivent que si tu regardais quelque chose qui était devant toi. Bah là, c'est un peu le même principe. D'accord. C'est bien, parfait. J'ai tout compris. Ah bah c'est bien, c'est cool. Hein? Tester, c'est bien du moment qu'on déteste pas. Test. Ouais. Ok, je peux pas expliquer mes blagues, ce serait pas drôle. Bah, et arrête de t'expliquer. Alors, arrête de. Ça m'énerve aussi, tu vois. Alors, toi, tu m'as dit que ça t'énervait là, que je me justifie, mais toi, t'es toujours en train de te dévaloriser. Mais non, c'est pas dévaloriser. Ça s'appelle être aigri, ça. C'est dans le package, tu sais. Quand tu commandes le pack aigri. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une liste d'objets dedans. Alors, j'ai bien essayé de dire au mec qui me le livrait, attention, je veux pas ça. Non, ils m'ont tout filé. C'est-à-dire que quand j'ai eu le pack aigri, mais j'ai eu le pack cheveux gris, j'ai eu le pack... Tout était dedans, je pouvais rien faire. Voilà, j'ai pris le truc. Après, je peux pas porter de jugement, vu que je t'ai jamais vu, mais c'est sexy, les cheveux poivre et sel. Oui, alors ça c'est la phrase. Tu ça sais, va t'énerver. Non, tu sais, c'est les phrases. On disait, c'est les phrases typiques. Tu sais, les phrases typiques que l'on balance aux célibataires. Tu rencontreras un jour ta princesse charmante. Demain, ça ira mieux. Qu'est-ce qu'on a encore? Non, mais tu sais, les cheveux gris, en fait, c'est sexy. Ouais. Ok, tu m'expliqueras. 32 ans célibataire. Je sais pourquoi. C'est tellement sexy que toutes les femmes tombent dans les pommes quand elles arrivent près de moi. Du coup, je peux pas sentir le charme passer. On les emmène aux urgences, tout ça. Je comprends. C'est trop sexy. Elles tombent toutes dans les pommes. Je comprends. Pardon. Bah non, mais tu sais que là, t'es encore en train de m'engueuler, quoi. Non, je t'engueule pas. Je te raconte juste. Je t'engueule pas. Je vais... Parce que si je m'y mets, moi, et que je commence à t'engueuler, ça va chez ça. Non, si je t'engueulais, j'aurais déjà raccroché, là. Enfin, merde, c'est pas sur Skype, mais je serais déjà parti. De même, j'aurais fait serveur quitter. Donc, il y a quoi d'autre comme défaut? Parce que j'ai encore plein de phrases clichés, si tu veux. Ouais, je comprends. Putain, mais comment on peut dévier autant? On finit sur les cadeaux de Noël alors qu'on devait parler de podcast. Bah, c'est génial. Parce qu'on discute, c'est génial. Oui, c'est génial. D'habitude, les gens me trouvent chiante, mais bon... Ah bah oui. Et alors, tu te rends compte, je suis quand même le premier mec parce que j'en ai pas vu d'autres, à râler parce qu'il y a des levées de boucliers, à pas te trouver chiante, c'est pas normal. C'est pas normal. Non, c'est il faudrait pas que normal. Je vérifie au niveau de l'ADN s'il y a pas juste, j'ai été designé comme un homme, mais si à l'intérieur, j'ai pas une génétique de femme. Faudrait que je me pose la question. Et moi, je me pose souvent la question inverse. Ah ouais, bah tu vois, comme quoi, si ça se trouve à la distribution, ils se sont trompés entre toi et moi, ils ont échangé. C'est rigolo. Mais oui, j'ai des réactions plutôt masculines pour beaucoup de choses. Mais bon, après ça c'est... Mais ça dépend aussi de l'éducation, tu sais. On m'a pas appris à être une petite princesse, donc... Ah bah moi non plus, hein. Petite princesse. Ah bah non, du coup je suis un homme, c'est vrai. Ça se tient pas. Ah ouais, voilà. Donc... Hop là, je reviens. Hop, me revoilà. Hier. Assis sur mon siège, bien. C'est mieux. Bien calé. Ouais, je m'entraînais à faire une pirouette et un quadruple salto arrière piqué, un triple loot, tout ça. et j'ai dit, je fais d'ailleurs un petit clin d'œil à celui qui a une patinoire sur sa photo de profil. Voilà. D'accord. Et voilà, et tous ces podcasts-là qui débattent de trucs, je trouve ça sympa. Et on en a parlé un tout petit peu, mais nous, on s'est fait notre petit débat aussi. Et on a préparé un petit peu ça. C'est venu par hasard dans une conversation. Je t'avouerai que je sais plus franchement comment c'est venu dans la conversation, quoi. Quand tu dis nous, tu parles de qui ? De toi. Ah bah oui, de toi. Ah, je t'avais perdu. Ah oui, oui. Oh pardon. Ah bah alors j'ai perdu ceux qui nous écoutent aussi, alors. Oh. Bon. Bah je recommence. Oui. Bon, on est plus à ça près, hein. Non. Ah, ça commence mal. Pourquoi ? À peine le site s'ouvre, il y a déjà une pop-up qui s'ouvre. Abonnez-vous, gratuit, machin. En faire un podcast de ces trucs. De pub. Oh non mais. Non mais moi ce que je préfère c'est les pubs ciblées. Ah non, ciblées, pas ciblées, du moment que ça perturbe mon champ de vision c'est déjà trop et ça ah, nécessite non, mais moi, pas de. J'adore comme une cible. J'aime tellement quand on me propose des produits pour laver le sol, pour laver le. Ah, mais je me dis mais comme vous m'avez si bien ciblé, bande de cons. Mais tu sais, j'ai dû raconter ça dans un café clatch ou dans un Gamecraft, mais pour ceux qui écoutent pas, si tu veux, je te raconte. À droite de Facebook, il y a souvent des petites pubs. Quand on n'a pas d'adblock ou machin, maintenant j'ai mis une protection. Vous allez comprendre pourquoi. Une protection? Oui. Une protection anti-pub, quoi. Et non. Avant mes 30 ans, j'avais toujours cette petite pub rencontrer des jeunes filles de votre région. Puis le jour de mon anniversaire est arrivé. C'est ciblé quand même, hein. On est d'accord. Oui. Et le jour de mon anniversaire, le jour de mes 30 ans, ces pubs ont disparu pour laisser place à rencontrer des cougars de votre région. Le jour de mon anniversaire, je te jure, c'est véridique. Et là, je me suis dit, non, mais il faut arrêter, quoi. Donc 30 ans, c'est bon, que des vieilles, quoi. Et en plus, elles avaient vraiment des têtes de ma grand-mère, quoi. Si encore, tu me dis, quand t'as 30, on te propose de 40, 50, ça, je veux dire... Pourquoi pas? Il y a des très beaux couples qui ont des distances d'âge comme ça, ça me pose pas de problème. Mais merde, elle avait la tête de ma grand-mère, je suis même pas sûr que... Non, je vais être sale. Je peux pas parler là. Mais, enchaîne. Oh bah non. Ouais, mais tu peux pas me dire ça et couper là, quoi. Non, tu termines. Tu le couperas toi-même, je t'assure. C'est moi qui déciderai si je coupe ou pas. T'inquiète pas, tu le couperas, parce que là, les dames qui me proposaient, ça avait l'air d'être tellement vieux que j'étais pas sûr de toucher les bords, hein. Voilà, hein. Voilà, au niveau de la saleté, je pense qu'on a passé un cap, là, c'est... Oh là là. Non, mais c'est... Moi, je trouve ça très drôle, parce que j'ai l'image. T'as l'image. Ah oui, oui, je suis très visuelle. Mon Dieu. Donc, Bon. Bon. Bon, ça n'a pas d'intérêt, ça. Si, hein, j'ai juste l'air con, parce que, en fait, je n'utilise pas les mêmes techniques que vous, en fait. Non, mais chacun a sa façon de consommer. Je veux dire, moi, je mange un Big Mac en le retournant. Tout le monde me demande pourquoi je fais ça. Et je ben, pourquoi que ça coule, c'est logique. Je sais pas. D'abord, il faut l'écraser. Et ensuite, entre les... Ensuite, il faut rajouter de la sauce, parce qu'il manque toujours de la sauce. Si. Si tu le dis, moi, je le mange comme ça. Voilà. Toi, chers auditeurs, comment manges-tu ton podcast ton Big Mac? C'est bien. Et il y a toujours deux tranches de rondelles de cornichons aigre doux que certains n'aiment pas et certains aiment. Et voilà. Ce qui fait tout le Big Mac. Arrêtez, les gens, arrêtez. Ce qui fait moi, je les adore, donc je récupère. Je la vois bien dans le frigo, tu sais, récupérer les rondelles de... des cornichons. Je vois bien ça. Dire à tes proches. Non, non, non, mange pas de cornichons, je récupère. Vas-y, je récupère. Ramène. Non. Je le vois trop ça. Bien. Ça. Si, je le vois trop, quoi. Mais tu dis, non, mais ça va, c'est mon cornichon. Vas-y, fais pas ta pute, ramène ton cornichon. Non. Non, non, mais là, il y a une... il faut une certaine intimité pour que la personne qui est avec toi te passe des rondelles de cornichons. Et bon, du coup... Ah bah voilà, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on disait? Je sais pas. Je sais plus. Ouais, mais en même temps, si tu joues pas le jeu, hein... Bah, franchement, si, faut juste me dire, c'est tout. Oh putain, c'était clair que je te l'ai pas amené assez... Non. Mais, je suis un homme, je comprends pas directement, tu le sais bien. Ah oui, pas de message. Pas de sous-texte, okay. Sinon c'est fini. C'est bien. Ouais. Si j'en fais trop, ça fait suce boule, mais... Énormément, ouais, mais tu suces qui tu veux. Mais ça me ça regarde pas. Je sais plus. Et ben voilà. Tu ouais, me prends. On sait pas les autres, c'est bien, c'est malin. Voilà, mais oui, mais c'est. Ça, c'est pas correct. Non, mais quoi. C'est comme si moi j'oubliais le nom des gens qu'il y a dans GameCraft. Ouais. Je fais. C'est pas je comme fais tu pas m'avais ça. Dit au début qu'il n'y en avait que 4, hein. Voilà, mais je oui, balance, voilà. Hein. Comme ça, hein, tu peux pas le couper. C'est cool. Voilà. La honte. Non, mais c'est vrai qu'il y a certains que tu arrives plus facilement à retenir leur pseudo. Je sais pas pourquoi. Je bah, pourrais parce pas que tu les préfères et que les autres tu les aimes pas. Bravo. Non. De mieux en mieux. Ce que tu me fais pas dire. Ah non. S'il te plaît, pas ça. Non, non, c'est pas vrai. J'ai du mal, moi, à dire ça. Je fais pas des gros bisous. Enfin, arrête, vous faites des bisous à tout le monde. C'est... J'aurais peut-être pas dû dire ça. Si ? Non. Je sais pas. Tu pourras le couper, alors. C'est venu naturellement, je suis désolé. Parce que vous faites pas des bisous à tout le monde ? Bah, pas aux hommes. Ah ouais, c'est vrai. Et j'ai vu chez vous, pardon. Oh, pas comme trop, ça, tu peux les le couper, mecs se serrent la main. Non, non, mais ouais, les mecs se serrent la main chez nous. Ouais. T'es tombé sur un drôle de groupe, hein, méfie-toi. Bah, ça doit être ça, ouais, c'est... Donc les billes sur les fesses, c'était pas normal, en fait. Non. Et la chemise non plus, c'était pas normal. Arrête! Je te jure. Et le coup de ramasse le savon, c'est pas une tradition chez vous? Non. Non, non, non. Donc non. J'ai marché en canard pendant 3 jours pour rien, en fait, c'est ça? Oui. D'accord. T'as passé des bonnes vacances? Parce que là, ce qui est kiffant, c'est que je sais que t'as les images. C'est ça qui est kiffant. Là, j'avais pas l'image. Non, j'avais vraiment l'image d'un savon qui glissait sur des carrelages. Mais du coup, merci. Merci de m'en avoir rajouté une autre là. Ça va, t'as pas eu l'étape intermédiaire entre le savon et la marche en canard. Hein. Ah bah si, maintenant du coup, si. Oh, t'es con. Allez. Donc non, chez nous, on ne se fait pas la bise entre hommes, sauf si c'est vraiment, vraiment de la famille proche. Ah oui, oui, la famille proche, bien sûr. Un père et son fils ou un truc comme ça. C'était quoi l'autre truc? Ah, la savonnette, non. Ben non, on se lave pas, on n'a même pas de savon. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Techniquement, déjà, c'est pas possible. Donc je pense que t'es allé en vacances dans une autre région. On dit au revoir à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là, ah qui oui, ont supporté... Hein. Voilà. qui ont supporté les 12 heures d'enregistrement. Bye bye alors. À plus, bye bye.